cette perturbation qui va traverser le pays entre lundi et mardi, notamment sur la moitié nord du pays. Donc, aujourd'hui, nous avons un ciel quand même qui reste nuageux, un peu encombré entre le Rhône-Alpes, l'Auvergne et la Bourgogne, avec quelques averses résiduelles, mais les éclaircies vont se développer, surtout cet après-midi, je vous le disais. Toujours quelques nuages dans notre ciel, mais franchement, une belle amélioration. En Bretagne, je vous le dis, le ciel se voile dès ce matin, il restera bien nuageux avec quelques gouttes encore. Et puis pour ce dimanche, eh bien, nous avons une belle impression un petit peu partout. On peut avoir quelques orages sur les Alpes-Maritimes et la Corse ce matin et puis cet après-midi aussi. Pour les températures, elles sont toujours basses pour la saison, entre 3 et 4 degrés en dessus des normales de saison. On est à 18 et pas plus cet après-midi sous abri à Brest, Le Havre, Mulhouse et Tarbes. Nous serons à 20 degrés pas plus à Dijon, Lille, 21 on gagne 1 degré sur Paris, Lyon, sur Toulouse également et Bordeaux. Et puis plus chaud en Méditerranée avec 24 à Perpignan et jusqu'à 27 à Montpellier. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur RMC avec dès 14h Formule 1, départ du Grand Prix d'Europe, 15h l'arrivée des 24h du Mans et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Suisse-France et de Roumanie-Albanie. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'est RMC, il est 6h. Toute l'actualité tout de suite avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, une place de premier de poule pour se faciliter la tâche ensuite. Le programme des Bleus à l'Euro de foot aujourd'hui, ils affrontent la Suisse ce soir à Lille. Le président sortant devra donc passer par une primaire, c'est une première. Le PS s'est mis d'accord hier pour un scrutin au début de l'année prochaine. Et puis l'émotion ne retombe pas à Magnanville, marche en mémoire des deux policiers assassinés en début de semaine. Rassemblement aujourd'hui à l'initiative des musulmans. Il est 6h sur RMC, bonjour à tous. RMC, UEFA Euro 2016. Alors vont-ils nous faire trembler jusqu'à la 90e minute ce soir encore? L'équipe de France de retour sur la pelouse de l'Euro de football, ce sera face à la Suisse. Dernier match de poule avant la composition de l'équipe. Ambiance de supporters ce matin, ambiance un peu particulière à Saint-Gingolf. Pourquoi Saint-Gingolf? Gwenaël Van Dresten, parce qu'il s'agit d'un village coupé en deux par la frontière entre la Suisse et la France. Dans la boulangerie de Saint-Gingolf, côté français, la rencontre de ce soir est dans toutes les conversations. Claudie, le Suisse, a teinté sa barbichette en rouge et blanc et il espère bien que la native va enfin prendre sa revanche sur la France. Mais Vanessa, la boulangère française, souhaite que les Bleus enfoncent le clou. Ambiance. On vous a laissé gagner là. Cette année, ah non, cette année non, la Suisse va gagner, va finir première de groupe pour chambrer la France. Qu'est-ce que t'en penses? Petite correction, 6-0, ce serait sympa. Histoire de bien les embêter, leur dire que malgré tout, en France, on a des bonnes équipes de foot. Côté Suisse, le match perdu 5-2 en 2014 n'a pas encore été vraiment digéré, alors une victoire ce soir ferait enfin passer la pilule à Bertrand Duchoux, c'est le maire du village côté helvétique. Ah, le 5-2, ça a été une sacrée déculottée, hein, faut être très clair sur les termes, et je pense que sportivement, si d'aventure on pouvait recorriger un peu le tir, ça serait bien. Et quel que soit le score final, les habitants de Saint-Gingolf ont bien prévu de faire la fête ensemble, comme il y a 2 ans. Alors qui sur le terrain ce soir? Les Bleus sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, résultat, il y aura quelques changements, Mohamed Bouafsi. Et Didier Deschamps est un homme de compromis. Pour affronter la Suisse ce soir, il va aligner une équipe compétitive qui aura pour seul objectif de terminer première du groupe sans prendre de risque pour les quarts de finale. Le milieu N'Golo Kanté et l'attaquant Olivier Giroud ont déjà pris un carton jaune lors des matchs de poule. En cas de nouveau carton jaune ce soir, il serait suspendu en 8e de finale. Et Didier Deschamps a donc décidé de les mettre au repos. Kanté sera remplacé par Johan Cabaye au milieu de terrain et Giroud par André-Pierre Gignac en attaque. Deux retours importants dans le 11 titulaire. Paul Pogba et Antoine Griezmann seront titulaires ce soir contre la Suisse. Les deux jeunes stars seront scrutés, observés à Lille après une semaine de critiques. Après avoir cristallisé les tensions lors des deux premiers matchs, ils devront prouver ce soir que c'est eux qui mèneront l'équipe de France vers un possible titre de champion d'Europe. Et puis je vous le disais en titre, terminer premier de ce groupe, c'est se faciliter la tâche pour la suite de la compétition. Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, en a bien conscience. Lorsqu'on a un statut à défendre, on est le favori de ce groupe. Il faut répondre aux attentes. Et lorsqu'on est compétiteur, ce qui nous importe, c'est la première place. Et dans nos têtes, on se prépare à jouer pour gagner. comme d'habitude et on donnera le maximum. Et le coup d'envoi, 21h ce soir, en même temps que l'autre rencontre du groupe entre la Roumanie et l'Albanie. Les résultats d'hier et la Belgique qui se rassure, 3-0, large victoire sur l'Irlande, un partout entre Islande et Hongrie, et puis le Portugal encore déçu, la superstar Cristiano Ronaldo pas à la hauteur, il a même raté un penalty hier soir, résultat 0-0 face à l'Autriche. Rafael Guerreiro, le défenseur portugais, est frustré. On a énormément d'occasions et on n'arrive pas à les mettre. Mais voilà, il faut pas baisser les bras parce qu'il reste encore un match et ça dépend que de nous. Si on le gagne, on est qualifié. Donc voilà, aujourd'hui on se dit qu'on a peut-être manqué les deux premiers matchs en termes de points, on va dire, parce que voilà, deux points au bout de deux matchs, c'est pas énorme. Mais on baisse pas les bras. Raphaël Guerreiro au micro de Georges Quirino. La suite de l'actu sport, le rugby, les 24 heures du Mans aussi. C'était la fin de ce journal. Il est 6h04 sur RMC. Pour la première fois, un président de la République va donc devoir se soumettre au scrutin dans son propre camp. Le Parti Socialiste a validé hier l'organisation d'une primaire de la gauche gouvernementale. Ce sera les 22 et 29 janvier prochains. L'occasion pour Jean-Christophe Cambadélis, le patron du PS, de montrer que son parti est uni. Il va pouvoir offrir une image démocratique, unitaire et de débat. Je souhaite que celui-ci soit fraternel, le plus clair possible, qu'il se termine par un vote que personne ne puisse contester et qui rassemblera tous ceux qui, au sein de la Belle Alliance Populaire, auront participé à ce vote derrière le candidat qui gagnera cette primaire. Jean-Christophe Cambadélis au micro de Marie Monnier ce matin dans le journal du dimanche. Manuel Valls valide lui aussi le principe. Ce n'est pas du tout dévalorisant pour le président de la République, cette primaire, dit le Premier ministre. Ce sera au contraire l'occasion de défendre des idées et son bilan. Le couple exécutif toujours en souffrance dans les sondages. Moins un point en un mois pour les deux ce matin dans le JDD. 21% de satisfaits pour Manuel Valls, 14% pour François Hollande, le président de la République, qui doit faire face à un début de polémique. Dans un peu moins de deux semaines, le 1er juillet, la Somme commémore sa bataille, le centenaire de la bataille de la Somme, l'une des plus meurtrières de la Première Guerre mondiale. Alors pourquoi polémique? Parce que François Hollande ne devrait pas faire le déplacement. L'argument, la reine d'Angleterre ne sera pas là, le président de la République non plus. Argument qui énerve le député UDI sur place, Stéphane Demilly. Je n'admets pas ce manque de considération. Il n'y a pas de mort de seconde zone et l'idée n'est pas de faire une course à l'échalote, mais c'est vrai qu'il y a eu... dans le cadre de cette bataille de la Somme, plus d'un million de victimes. Et je rappelle que parallèlement, Verdun, c'était 700 000 victimes, c'est-à-dire beaucoup moins que cette bataille de la Somme. Or, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu des célébrations dignes de ce nom. Et donc, personne ne comprendrait que le président de la République française ne soit pas là. Stéphane Demilly est joint par Charlotte Perronnet. Mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes. Les deux proches de Larossi Abala écroués tard hier soir. Dernier élément de l'enquête sur le meurtre du couple de policiers dans les Yvelines lundi dernier. L'émotion ne retombe toujours pas sur place. Marche organisée hier à Mantes-la-Ville où travaillaient les deux victimes. Et puis un autre rassemblement organisé aujourd'hui à l'initiative, cette fois-ci de la communauté musulmane sur place. Abdelaziz El Jaweri dirige l'une des mosquées de Mantes-la-Ville. Si nous avons pris cette initiative de la marche, c'est en effet pour répondre à un double appel quelque part. Premièrement, au niveau de la communauté musulmane qui est vraiment horrifiée par ce qui s'est passé et qui a besoin d'exprimer sa solidarité avec les victimes. Et la deuxième des choses, c'est que malgré notre participation aux différents rassemblements, certaines personnes ou groupes osent encore se poser la question d'où est-ce qu'ils sont les musulmans, pourquoi les musulmans ne s'expriment pas et ainsi de suite. Donc nous avons voulu une expression qui soit forte, qui soit sans ambiguïté sur cette question. Abdelaziz El Jaweri au micro de Léa Zakari, il est 6h07 sur RMC. Le direct ce matin, direction la Sarthe, les 24 heures du Mans. Nous sommes en direct sur place avec Julien Morin. Julien, duel toute la nuit entre Toyota et Porsche. Ouais, et puis c'est même un duel qui dure depuis hier après-midi entre les deux écuries qui s'échangent le leadership. Première actuellement, la Porsche numéro 2 avec 54 secondes d'avance sur la Toyota numéro 6 qui vient de perdre la tête après un arrêt au stand. Et en troisième place, une deuxième Toyota, la numéro 5, avec 1 minute et 4 secondes de retard au bout de 238 tours de circuit. Voilà pour le trio de tête qui a pris le large. C'est toujours extrêmement serré ici, vous l'avez compris, alors qu'il reste un peu moins de 9 heures de course avant l'arrivée. Julien Morin en direct du circuit de la Sarthe des 24 heures du Mans pour RMC. Et puis le rugby, Toulon-Montpellier. Voilà donc l'affiche de la finale du top 14 cette saison. Toulon dernier qualifié, ils ont battu Montpellier hier soir 27-18. Grosse déception pour le Montpellierain Benjamin Fall. Beaucoup de déception. de s'arrêter en si bon chemin à une marche de pouvoir goûter le Camp Nou. Pas de regret au vu de la partie, on sait qu'on a été dominé de A à Z. On a fait ce qu'on a pu, on manquait de puissance, on a perdu trop de ballons, approximatif dans les airs. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur la victoire de Toulon, elle est largement méritée. Voilà, et la finale ce sera donc vendredi prochain dans le mythique Camp Nou de Barcelone, Toulon face à Montpellier. 6h08 sur RMC. Bonjour François Sorel. Bonjour Thomas Chupin. Vous avez prévu votre chapeau aujourd'hui ? Ah ben complètement. Prix de Diane. Le prix de Diane à Chantilly. Chantilly, c'est ça. Voici les pronostics de la Dream Team RMC. Sébastien Arras nous conseille de retenir le 10, la Cressonnière. Et le 9, Armande. Brahim Asloum aime beaucoup la Swiss Range. Et Laurent Guédard, quant à lui, nous conseille le 8, Volta. Et le 13, The Juliette Rose. Le 10, le 9, l'As, le 8 et le 13. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13, appel non surtaxé. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 6h10, bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous en ce dimanche matin. C'est un vrai plaisir que de vous retrouver en ce 19 juin 2016. Nous allons passer la matinée ensemble avec, tout à l'heure, entre 8 et 10, l'automobile. Jean-Luc Moreau me rejoindra, vous le savez, pour vos deux heures dédiées à l'auto avec vos questions au 32-16. On évoquera le débosselage sans peinture pour réparer les petits dégâts de la grêle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut réparer. Alors, des petits coups de carrosserie très facilement, on vous expliquera comment. Va-t-on vers une surveillance totale des automobilistes ? Véritablement, la loi sur la justice du 21e siècle prévoit de restreindre de façon drastique certaines libertés. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc et puis on évoquera en ce 19 juin la fête des pères avec quelques idées de cadeaux haut de gamme. Et oui, parce que Jean-Luc, il est comme ça. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir de ce rendez-vous auto tout à l'heure, c'est que Jean-Luc a testé la nouvelle Tesla X. C'est une voiture qui est très attendue, c'est le nouveau modèle de Tesla, c'est le premier SUV électrique. Que vaut-il ce Tesla X ? Si vous êtes intéressé par les véhicules électriques, la réponse, ce sera tout à l'heure aux alentours des 9h moins le quart. Mais pour débuter en ce dimanche matin, elle est à mes côtés, c'est notre veto préféré, c'est Laetitia Barlerin. Bonjour Laetitia. Bonjour François, bonjour à tous. La plus belle des vétérinaires est là, chaque dimanche sur RMC. Et en ce 19 juin, Laetitia, j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc un peu bizarre. Hein ? Il n'y a pas un truc bizarre aujourd'hui ? C'est la fête des pères. Ben, alors, c'est la fête des pères. D'ailleurs, on fait un gros bisou à tous les papas qui nous écoutent, et en l'occurrence à nos papas. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un deuxième truc. C'est vrai ou pas ? Ah ben voilà ! Eh oui, quand même ! Mais c'est l'anniversaire de Laetitia aujourd'hui ! Bon anniversaire, Laetitia. Ah, merci, François. Merci, merci. Voilà, gros bisous de la part de toute l'équipe. Cœur sur vous, Laetitia. Ah. C'est beau, hein ? Oh là là, je suis toute émotionnée. Tout émotionnée. Bon, voilà. Écoutez, ça tombe bien parce que tout à l'heure, on va parler de sujets qui vont être émotionnants, comme on dit. vous savez que tout à l'heure, la France affrontera la Suisse. Ça sera à 21h. Ah bon ? Et justement, on va parler... Oui, il semblerait. On va parler. C'était le Japon. dans l'euro, c'est pas facile. Quand même. Ou alors c'est que d'un coup on a élargi les frontières. Et on va parler de la Suisse dans le domaine des animaux. Et oui, parce qu'il faut savoir que la Suisse quand même est très très en avance sur nous, sur le droit animalier. Ah oui. Vous savez que vous n'avez pas le droit par exemple de jeter dans les toilettes un poisson rouge. C'est dingue ça. Et oui, et que vous n'avez pas le droit non plus d'avoir un seul cochon d'Inde chez vous. Il faut toujours l'avoir à deux. À deux, d'accord, oui, parce qu'un cochon d'Inde tout seul est pas bien. Et dernière chose, il faut un permis pour avoir un chien en Suisse. C'est dingue ça. Donc il y a un vrai respect envers les animaux. Voilà, donc on fera justement le tour de cette... Il y a eu une loi sur la protection des animaux qui était très avancée, on en parlera justement. D'accord. Et puis on parlera d'une race emblématique de Suisse qui s'appelle le Saint-Bernard. Magnifique chien, bien voilà. Évidemment. Qui a été la star de plusieurs films. On saura tout sur les poules. Oui, parce que cet après-midi, il y a un documentaire qui passe sur France 2. Pas sur les poules, c'est la première fois qu'on fait un documentaire sur les poules. C'est vrai. C'est vrai, il y a souvent des documentaires sur les lions, les girafes, les éléphants, mais pas les poules. Alors, voilà. Alors, c'est un peu moins exotique, mais c'est sympa. Mais c'est, voilà, c'est sympa. C'est quand même l'animal qui est l'oiseau qui est le plus fréquent sur Terre. Ah oui. Il y a 51 milliards de poules sur Terre. C'est dingue. Combien il y en a dans le four? Non. Alors, plaisante. Pour de poules vivantes. Ah, de poules vivantes. Il doit y en avoir autant dans les fours. Ça, c'est une autre histoire, c'est bien sûr. C'est une autre histoire. Et nous finirons par 30 millions d'amis. Vous savez que 30 millions d'amis, d'abord, c'est fini à la télé. Mais surtout, la Fondation 30 millions d'amis vient de lancer une campagne contre les abandons avec une vidéo qui est vraiment qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. On en parlera avec Réa Hutin, qui est la présidente de la Fondation 30 millions d'amis. Voilà, vous savez tout. Et évidemment, au milieu de tout cela, vous pouvez à tout moment joindre notre vétérinaire, Laetitia Barlerin. Nous sommes en direct le 3216 ou animaux@rmc.fr. Laissez-nous votre numéro de téléphone si vous nous joignez par mail. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et on commence avec Fernand qui est là. Bonjour Fernand. Oui, bonjour tout le monde. Là, et un bon anniversaire à Laetitia. Merci Fernand. Ça, c'est bien Fernand. Voilà, moi je... Bon, je vais vous donner ma question, là. Voilà, je nourris des tourterelles depuis cet hiver. Oui. Alors, j'en ai une quinzaine, une vingtaine qui viennent manger dans mon jardin. C'est joli comme tout à voir. Une vingtaine, c'est beaucoup, hein? Oui, elles viennent de partout. Là, je sais pas d'où elles viennent, justement. Je voudrais savoir. Je pense qu'il y en a une qui a envoyé un email à tout le monde en disant, les repas sont bons ici. Oui. Hein, le restaurant. C'est une bonne adresse. Voilà, le restaurant est étoilé. Oh, je l'ai bien noté sur TripAdvisor. Oh, je ne vais pas les manger. Je préfère les poules, vous voyez. La poule au pot tous les dimanches. Je suis du pays, moi, là-bas. Ah, bon. Voilà. Bah, vous regardez, en même temps que vous mangez la poule au pot, vous regarderez le documentaire de cet après-midi. Voilà. Bien sûr. Alors, voilà, ces tourterelles, là. Je sais pas si je dois continuer à les nourrir parce que figurez-vous là, voilà, je viens de voir mon chat qui rentre là et il les guette. Alors j'ai peur qu'il leur fasse mal, mais surtout je voudrais savoir si c'est bon de les garder, enfin de les nourrir tout le temps. Et elles deviennent addictes, je crois, de mon jardin. Et je sais pas si je pourrais les nourrir tout le temps. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut continuer à les nourrir? Est-ce que c'est la question, c'est voilà, savoir si elles vont être dépendantes de vous, c'est ça? C'est-à-dire que si vous partez, Exactement. Alors ça c'est une idée que beaucoup d'ornithologues lancent en disant qu'il faut qu'on peut nourrir les oiseaux l'hiver parce que bien sûr il y a très peu de choses à manger l'hiver, il fait froid, il y a plus d'insectes et que c'est bien de nourrir les oiseaux et qu'il faut arrêter de les nourrir au printemps parce qu'au printemps il y a beaucoup de choses à manger qui n'ont plus besoin de nous et surtout que ça crée une dépendance. Voilà. Alors moi je suis un oiseau dépendant, vous savez, les oiseaux sont dans les jardins, surtout la tourterelle, sont très opportunistes. Ça veut dire qu'ils mangent là où il y a à manger. Et s'il n'y a plus à manger là où ils sont, ils vont autre part et ils s'adaptent. La tourterelle, vous savez que la tourterelle, elle vient d'Afrique et elle a colonisé l'Europe qu'au XXe siècle. C'est-à-dire que c'est elle, toute seule. Hein, c'est très étonnant parce que d'habitude la colonisation par des espèces, c'est souvent l'homme qui amène les animaux dans d'autres continents. Et là, c'est la tourterelle turque est arrivée en France en 1950. C'est il y a pas longtemps et elle est devenue commune. Il y en a partout en France parce que elle s'est adaptée à la vie auprès des hommes, c'est-à-dire dans les villes, les villages. Vous en voyez partout dans les villes, les villages, un peu comme les moineaux, comme les pigeons. Vous en voyez partout. Elle s'est adaptée à notre vie, donc elle sait profiter de ce qu'on laisse. Les détritus, etc. Sûr, la nourriture qu'on laisse. Elle n'a pas peur de nous. Elle aime bien être avec nous. Bon, elle a peur du chat, c'est sûr, comme tous les oiseaux. Mais elle essaye de mettre un nid en hauteur pour que le chat ne vienne pas manger les petits. Mais les petits arrivent quand même de temps en temps à les manger. Donc Fernand, franchement, d'abord, il n'est pas interdit de nourrir dans votre jardin. Il est interdit de les nourrir dans les jardins publics et sur la voie publique. Ensuite, si ça vous donne un bonheur immense de nourrir ces tourterelles tous les jours, et si vous avez les moyens, si, parce que faut en acheter des graines, pour une vingtaine de tourterelles, faites-le, si c'est votre bonheur à vous. Après, savoir que si vous partez en vacances, ne vous inquiétez pas, elles iront voir ailleurs. Mais oui. Il y a, voilà, vous êtes pas au plein milieu du désert avec le seul, voilà. Elles savent très bien, elles ont déjà repéré, où les autres oiseaux allaient. Et puis, vous savez, les oiseaux se parlent entre eux. Ou se parlent, enfin, ou humains, ils s'observent. Mm-hmm. Dès qu'ils voient qu'une nuée de moineaux va quelque part, les tourterelles suivent. Dès qu'elles voient que des pigeons vont quelque part pour manger, elles suivent. Donc, elles sont très observatrices de ce qui se passe dans l'environnement. Et ne vous inquiétez pas. Alors, le seul problème, c'est que si elles ont fait leur nid dans votre jardin, il faudra qu'elles aillent plus loin pour aller chercher les graines, pour aller nourrir leurs petits, parce qu'elles font plusieurs couvées dans l'année, et elles nourrissent leurs petits, non pas d'insectes, mais de bouillies de graines. Ce qu'on appelle le lait de pigeon. D'accord. C'est-à-dire qu'elles prédigèrent les graines, et après elles régurgitent les graines pour nourrir leurs petits. Mais Fernand, voilà, le seul problème d'une vingtaine de tourterelles, c'est quand même les fientes un peu dans le jardin. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, elles vont pas devenir dépendantes. Elles s'adapteront si vous ne leur donnez plus à manger. 6h18, Laetitia, on va revenir dans un instant. Notre quiz de la vie privée des animaux est prêt ? Oui. Bon, à l'occasion de votre... On parlera justement des moineaux. D'accord. À l'occasion de votre anniversaire, vous allez peut-être pouvoir me faire quelque chose de sympathique, de pas trop compliqué. Je pense que vous allez... Non, ça va. Bah écoutez, en tout cas, j'espère que les auditeurs sont près de leur ordi pour pouvoir m'aider ou de leur smartphone puisque je vous invite à chaque fois bien sûr à m'aider par mail. On revient dans un instant, le quiz de la vie privée des animaux, vos questions animaux au 3216. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. RMC. Après la deuxième victoire consécutive de Lewis Hamilton, ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 est à Bakou pour le Grand Prix d'Europe. Aujourd'hui, dès 14h, le Grand Prix. RMC, diffuseur du championnat du monde de Formule 1. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Voilà de retour sur RMC, le week-end des experts en ce dimanche matin avec notre veto qui sait. Bah le veto quand même hein, aujourd'hui, il le faut. Hein. Ah bah écoutez, surtout pour votre anniversaire, c'est bien de se lever tôt. Comme ça vous allez profiter pleinement de cette journée. Pour bien souffler les bougies. La Katia, c'est vrai, vous avez les poumons, c'est... Oui, ça va. Il n'y a pas de souci. Très bien. Pour mes 21 bougies. Oh, 21 years old. Et oui, c'est la vétérinaire la plus jeune du monde, Laetitia. En fait, elle a commencé les études de vétérinaire à 14 ans et elle vient de terminer. C'est ça, hein, Laetitia ? Ouais. Ouais, bravo. Je viens d'avoir mon diplôme. Nicole a une chatte qui a 15 ans, Laetitia. On va la retrouver dans un instant. Mais auparavant, bien sûr, les amis, notre quiz de la vie privée des animaux. Et je vais vous parler des moineaux. Alors, vous savez, les moineaux sont des oiseaux qui intéressent beaucoup les Anglais. Les Anglais aiment beaucoup les oiseaux, ils aiment beaucoup les chats, enfin, ils aiment beaucoup les animaux. Oui. Et ils étudient les moineaux. Et il y a même des scientifiques qui étudient les moineaux, depuis 12 ans. 12 ans? Oui, ils étudient, ils les observent. Et ils ont découvert quelque chose cette année. Ah. Surtout sur la vie sentimentale des moineaux. C'est un quiz de la vie privée des moineaux. Voilà, exactement. Il faut savoir que chez les moineaux, les couples sont monogames. Mais... Ouais, mais parfois, de temps en temps, il y a des... Parfois, il y a des coups de canif, non? Oui, parce que il arrive que le mâle soupçonne une infidélité chez sa femelle. C'est pas vrai. Et alors, que fait-il à ce moment-là quand il a des doutes? Alors là, écoutez, moi, je suis impressionné. Il appelle un détective privé, un albatros, qui va surveiller tout ça. Non. Non, j'ai trois propositions. Trois propositions. S'il soupçonne donc... Que sa compagne est infidèle. Est infidèle. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors, soit il ramène une autre femelle au nid. D'accord. Ça doit être sympa, tiens, après la scène de ménage dans le nid. Soit il fait la grève du sexe. La grève du sexe. Soit il fait la grève du nourrissage des enfants. Soit la grève du nourrissage des enfants. Eh bien, c'est bien gratiné, hein, la tia-tia. Je n'en ai aucune idée. Vous pensez, vous, que moi, je m'intéresse comme les Anglais aux moineaux ? Non, pas du tout. Mais c'est intéressant, c'est quand même un animal qui vit avec nous dans le jardin. Oui, c'est intéressant, c'est intéressant. Mais bon, moi je ne suis pas un spécialiste du moineau. Donc je n'en ai aucune idée. Donc, chers amis, vous qui êtes avec nous ce matin, vous qui nous écoutez, si vous avez une quelconque idée, eh bien, je compte sur vous, animaux@rmc.fr. Vous m'envoyez un petit mail et vous me donnez votre proposition, à votre avis, la bonne réponse. Voilà, avec votre smartphone, votre PC, enfin ce que vous voulez, votre Mac. Je compte sur vous, parce que là, pour l'instant, je suis complètement perdu. À tout de suite, on enchaîne avec Nicole qui est là. Bonjour Nicole. Bonjour. Bonjour François, bonjour Laetitia. Bonjour Nicole. Bonjour, bonjour. Alors, vous avez Nicole, une chatte qui vous arrive, de 15 ans. Oui. Oui. Ça va, elle est en forme? Ah oui, oui, elle va très bien. Bon. Alors, c'est quoi son problème? Voilà, elle a trouvé, dans le grenier, elle a trouvé une peluche, et puis à peu près deux mois, elle la descend, elle la promène, elle fait des gros miaulements, et ça dure quelques minutes, et puis après, ben, elle se calme, et puis elle fait ça plusieurs fois par jour, alors je sais pas d'où ça vient. Si c'est que ça lui rappelle quand elle a eu des petits, enfin, je sais pas. Elle a déjà eu des petits? Oui, oui. Mais là, elle est stérilisée, et puis elle avait été opérée, elle avait des grosseurs, elle avait été opérée à peu près il y a 7 ans, et voilà. Et elle a 15 ans, et à part ça, tout va bien. Le comportement est normal. Alors, elle a été prendre une peluche, et cette peluche devient son doudou, quelque part. Ouais, on dirait que c'est son doudou, et elle miaule très fort, et puis voilà. Alors, elle miaule très fort, mais est-ce qu'elle le... vous savez, est-ce qu'elle le gratte avec ses pattes arrière, comme... peuvent faire les chats quand ils sont avec une... Non, elle la mordit, elle la traîne par terre, elle va dehors avec, elle la ramène. Ouais. Ah, c'est rare, ça, chez une vieille chatte. Oui, alors c'est pour ça, je ne sais pas si ça lui rappelle sa jeunesse quand elle avait des petits. Non, moi je pense que... Alors, vous savez, les doudous, quoi, ce qu'on appelle les doudous pour les enfants, ça existe pour les chiens et les chats, c'est-à-dire que les chiens et les chats peuvent avoir leur doudou, c'est-à-dire ils dorment avec, ils le prennent tout le temps. Il y a un hyperattachement. Alors c'est des peluches, souvent c'est des petites peluches, voire même c'est des petits linges, enfin un petit chiffon, qu'il garde, qu'il lèche parfois, il dorme pour se rassurer, comme un enfant. Oui. Non, mais là, elle ne dort pas avec, parce qu'après, elle le laisse tranquille, et puis elle va se coucher dans un coin, mais elle ne s'en occupe plus après. D'accord, et il n'y a pas de chevauchement, comme on dit? Non. Non, bah, parce qu'on a aussi ça chez les chats. Normalement, les doudous, on l'observe surtout chez des jeunes chats. Oui. Pas des chats de 15 ans. Alors, pourquoi elle a ce comportement? Alors, si elle a besoin de ce doudou pour se rassurer de quelque chose, la question est savoir, est-ce qu'elle a des angoisses? Ah ben alors là, savoir. Alors, vous ne l'avez pas interrogé, j'imagine. Non, mais non. Si vous ne voyez pas d'autres comportements anormaux, chez elle, a priori... voilà, c'est une lubie qu'elle a, et c'est quelque chose qui la rassure. Hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment le rôle de ce doudou, c'est que de temps en temps, voilà, elle l'a parce que ça fait diminuer une petite tension en elle, de le fait de la voir comme une présence, si vous voulez, comme quand un chat vient chercher une caresse, ça les rassure, ça diminue leur tension, et puis tout va bien après. Alors moi, ce qui m'embête, c'est qu'elle miaule aussi, mais elle miaule en vous regardant ou Non. Elle a juste la peluche et un miaule. Elle fait oui, et puis alors vraiment des gros miaulements comme les chats quand ils sont en chaleur, enfin. Mm-hmm. Oui. Bon, écoutez, quand un vieux chat, parce que bon, 15 ans, c'est bon, elle est un peu dans le troisième âge, hein, faut le dire, commence à miauler avec des forts miaulements rauques, comme si, voilà, sans raison spéciale, faut faire attention parce que ça peut être un signe d'un problème, comme par exemple une insuffisance rénale qui commence, un problème d'hyperthyroïdie, ou un problème de bon, là je pense pas, mais de douleurs chroniques comme de l'arthrose. Donc voilà, chez les vieux chats, je fais très attention aux miaulements qui arrivent comme ça. Alors il arrive par exemple qu'il miaule comme ça la nuit. Est-ce qu'elle le fait? Non, la nuit, non, elle dort tranquillement. Alors, moi, Nicole, si j'étais vous, au prochain rendez-vous pour ces vaccins, j'en parlerai au vétérinaire pour qu'il lui fasse un check-up. D'accord, oui. Hein, d'accord. Elle a 15 ans, de toute façon, à 15 ans, il faut faire un check-up. Oui. Voilà, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, peut-être une petite prise de sang, juste pour voir si tout va bien au niveau rénal, au niveau diabète, etc. Savoir un petit peu s'il n'y a pas des petits troubles comme ça qui peuvent avoir après. Vous savez, ça peut être un signe, un changement du comportement, ça peut être le signe d'une maladie qui commence. Hein. Alors, je ne veux pas vous affoler, mais vaut mieux, au prochain rendez-vous vaccinal, Nicole, vous en parlez à votre vétérinaire pour qu'il fasse un check-up. D'accord. Et voir si tout va bien. Et puis, si tout va bien, c'est juste, alors c'est pas un retour en enfance, quelque part oui, mais c'est quelque chose qui la rassure. D'accord. D'avoir ce doudou, pourquoi pas. En tout cas, c'est un doudou, il faut vraiment le prendre comme ça. Très bien, merci beaucoup Nicole. Laetitia, on va revenir dans un instant. Après la météo et les infos de 6h30, on poursuivra avec vos questions. Si tout comme Nicole, vous voulez passer quelques minutes avec nous sur l'antenne d'RMC, poser votre question ou témoigner sur les animaux, le 3216 ou animaux@rmc.fr. A tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 21h, Roumanie-Albanie et Suisse-France. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. Alors, on va faire un point sur la météo avec Laetitia Barlerone qui s'inquiète si elle va pouvoir faire un barbecue. Bah ça, Christine Pignac qui est là qui dit non, t'inquiète pas chérie, ça va bien se passer. Enfin bref, autant vous dire que là, c'est le salon où l'on cause ce matin de la météo. Exactement. Bonjour Christine. Bonjour François et bonjour à tous. On va pouvoir faire notre barbecue avec Laetitia. Ça dépend où, mais. Parce que vous savez que c'est son anniversaire en plus. Mais en plus, mais bon anniversaire. Fait un bisou, pas mais non. Ah bah, faites-lui un bisou quand même. Merci. C'est quoi cette histoire? Non mais franchement. Bon, alors, le barbecue et les bougies. Bon, les bougies, c'est bon. C'est bon. C'est bon. D'accord. Orléans, Paris. Il n'y aura pas trop de vent pour les bougies. Pour le centre, on aura de très très belles éclaircies. Là où ça va se couvrir, c'est vraiment pour la Transat, la solitaire à Deauville. Le ciel va être franchement couvert et très humide. C'est D'accord. cette dégradation qui arrive et qui va traverser le pays entre lundi et mardi. C'est vrai qu'on en a marre des dégradations. Mais oui, je sais. Mais à partir de mercredi, vous savez que le beau temps s'impose partout. On aura même du 35 dans le sud en fin de semaine prochaine et du 30 à Paris cette semaine. Non, c'est pas vrai. Mais je vous avec jure. Avec du soleil et tout? Avec du soleil et tout. Non. L'été, à partir de mercredi. Ah, donc, là. Attendez, voilà, ça se développe. Les éclaircies se développent aujourd'hui un petit peu partout. Encore quelques averses du côté de Rhône-Alpes, de l'Auvergne, sur les Alpes-Maritimes et sur la Corse. On peut avoir des orages aujourd'hui avec un peu de grêle. Attention. Et puis dans le sud-ouest, proche de l'Atlantique, là, les éclaircies seront très, très franches. Les températures un peu justes ce matin entre 16 degrés du nord au sud. Et puis cet après-midi de 17 jusqu'à 26 quand même, 26 en Méditerranée, 17, ça c'est près de la Manche, c'est un peu juste. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'est RMC, il est 6h30, un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. 21h ce soir, stade Pierre-Mauroy, Lille, dernier rendez-vous des Bleus avec les matchs de poule de l'Euro. Une première place de groupe en jeu, ce sera face à la Suisse. Pogba et Griezmann devraient être titulaires. Les résultats d'hier, c'est d'abord la belle perf belge, victoire 3-0 sur l'Irlande. À l'inverse, le Portugal est à la peine, 0-0 face à l'Autriche. Enfin, Islande et Hongrie ont fait match nul un partout. Nouvelle marche du souvenir, aujourd'hui dimanche dans les Yvelines, marche à l'initiative de la communauté musulmane de Mantes-la-Ville, là où travaillait le couple de policiers assassinés par le terroriste Larossi Abala hier soir. Deux de ses proches ont été mis en examen. La menace terroriste est en Belgique. Trois hommes inculpés hier soir. Trois hommes parmi une dizaine interpellés hier dans une vaste opération menée essentiellement dans la région de Bruxelles. Les perquisitions n'ont pas permis de mettre la main sur des armes ou des explosifs. À l'étranger, c'est le premier sondage après le meurtre de la députée Jo Cox au Royaume-Uni. Sondage à 5 jours du référendum sur la sortie ou non de l'Europe. Et ce sont les partisans du maintien qui prennent la tête avec 45% des suffrages. Autre scrutin, ce sera début 2017, la primaire socialiste. Le PS a validé l'idée hier. François Hollande devra donc passer par une primaire s'il envisage un deuxième mandat. Primaire à laquelle ne participeront pas les communistes, le Front de Gauche ou encore les écologistes. Processus soutenu ce matin par Manuel Valls. Longue interview du Premier ministre dans le JDD où il évoque aussi la loi travail. Elle ne sera pas retirée, ne sera pas réécrite, rappelle Manuel Valls, qui appelle les syndicats à annuler les rassemblements face au risque de violence. 6h31 sur RMC. Vous êtes avec François Sorel et Laetitia Barlerin. Vos animaux. Parfait, merci beaucoup Thomas, vous revenez à 7h. Vous avez mangé un petit sûr. Truc Non, c'est non. Bon. Non, mais je m'en passe, vous savez. Non, mais je me suis dit que vous allez manger un petit gâteau, parce que c'est l'heure, là, pour le petit déjeuner. Oui, on verra un peu plus tard. Mais ça, vous n'êtes pas si gourmand. Vous me permettez. Vous n'êtes pas du tout gourmand, donc c'est pas votre style. À tout à l'heure, 7h. À tout à l'heure. Et tout de suite, on repart avec notre vétérinaire, Laetitia Barlerin, le 3216, animaux@rmc.fr pour nous joindre. À tout de suite. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Il est 6h32, le retour du week-end des experts, les animaux avec notre vétérinaire jusqu'à 8h. Et à partir de 8h, je le disais, Jean-Luc Moreau sera là avec un événement tout à l'heure si vous venez d'arriver. L'essai d'une voiture très attendue, c'est la nouvelle Tesla. Vous savez que Tesla est en train de révolutionner les véhicules électriques, la Tesla Model X. Jean-Luc l'a testé, ce sera tout à l'heure. Laetitia, dans quelques instants, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux concernant une étude très sérieuse au sujet des moineaux en Angleterre. Oui. Voilà. On va voir ça dans un instant. Mais sur les femelles infidèles. Voilà, puisque ou soi-disant infidèles. Les moineaux femelles peuvent être infidèles, en tout cas pourraient l'être. On va en parler dans un instant. J'imagine que là, le suspense est à son comble, vous n'en pouvez plus. Mais auparavant, c'est Martine qui est là. Bonjour Martine. Bonjour Laetitia, bonjour François. Bon anniversaire Laetitia. Merci Martine. Les personnes qui sont nées en juin sont très bien. Ah. N'est-ce pas, les Gémeaux? Ben oui, hein, on est très bien. Ah, voilà. Vous êtes Gémeaux alors? Voilà, c'est le 11 juin. Ah, donc, vous voyez, d'accord. Pas de la même année, malheureusement. Ben voilà. Vous avez que quelques jours d'écart. Voilà, quelques heures même. Je vous appelle au sujet de Kaline, un chien qui va avoir 9 ans au mois d'août, c'est août. Oui. Donc, je ne sais pas si je dois la passer aux croquettes senior, parce qu'elle est en pleine forme, malgré une opération à 2 ans d'une luxation de la rotule 2. Ah. Et donc elle va bien. Forme. Ah oui, elle va très bien. Ouais. Mais par contre, elle a un petit poids. Elle a toujours eu un petit poids. Mmh. Donc 3,2 kg, 3,4 kg. Mais jamais au-dessus. Hein. Donc j'hésite à la passer en senior. Je sais pas pourquoi, mais bon. tout simplement parce qu'elle est en pleine forme et se dire qu'on passe en croquette senior. Vous savez, c'est le problème de c'est prendre un peu de l'âge. Thyride, quoi. Ouais. Voilà. Vous savez de quoi je parle, quoi. Voilà. Surtout moi aujourd'hui, vous voyez non, ce que je vous. Dis. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. Donc, vous avez 20 ans. Oui, peut-être. Non, 21. Exactement. Mais Kaline, c'est pareil. Elle a 9 ans et on se dit, quand même, 9 ans, elle est tellement bien, on va pas la passer aux croquettes seniors. Alors, oui. Et elle est juste à côté de moi, d'ailleurs, vous voyez. Et oui, alors, c'est vrai qu'on se dit, bon, croquettes seniors, quand même, c'est du marketing. Parce que vous avez vu, dans les magasins, on a des croquettes pour les juniors. Bon, ça, on comprend, ils sont en pleine croissance. Les adultes, et après, on a les seniors. Alors, c'est marrant parce que selon les marques, les seniors commencent à 7 ans. Ou alors 8 ans, ou alors 9 ans, ou alors 10 ans. D'accord. Ça dépend des marques. Mais alors, elles sont light en plus, j'ai vu. Alors oui, alors pourquoi elles sont light? Parce qu'on sait que quand l'animal prend de l'âge... Alors, nous, on considère, nous vétérinaires, que le chat est senior quand il a atteint le dernier tiers de son espérance de vie. Or, l'espérance de vie d'un chat, c'est environ 15-16 ans. Bon, ça monte, enfin, c'est l'espérance de vie moyenne. Oui, hein. Des chats de 20 ans, j'en vois, hein. Vous inquiétez pas, Martine. Donc, dernier tiers, ça veut dire qu'à partir de 10 ans, on considère qu'ils sont seniors. Et c'est vrai que la physiologie du chat vieillissant ou du chien vieillissant d'ailleurs, n'est plus la même qu'un chat adulte. On sait qu'on a une diminution de la masse musculaire parce qu'ils sont moins vifs, parce que voilà, ils ont il y a une baisse d'activité qui se fait quand même après 10 ans. On a aussi une diminution souvent de l'appétit petit au début, hein. C'est vraiment des petits signes comme ça, hein. Parce qu'on peut avoir des problèmes dentaires, parce qu'on peut avoir une diminution aussi de la perception des odeurs. On a surtout au niveau digestif un tube digestif qui vieillit et qui digère moins bien. Donc il faut donner une alimentation où on ait vraiment des croquettes qui soient très bien digérées. Et puis, comme il est un peu paresseux le tube digestif, on donne un peu plus de fibres aux animaux vieillissants pour que le transit se fasse bien. On a quand même un vieillissement des cellules et des organes, et c'est pour ça que dans les croquettes pour chats, on a beaucoup d'antioxydants, de la vitamine E, de la vitamine C, enfin voilà, on met tout ça. On a aussi il faut faire attention aux reins, parce qu'on sait qu'à partir de 10 ans aussi, les reins des chats commencent à vieillir, donc il faut vraiment les épargner. Donc on diminue tout ce qui est sodium, phosphore, etc. dans ces croquettes. Alors, En plus, on diminue aussi les minéraux pour éviter qu'il y ait des calculs urinaires chez les vieux chats. Alors, pour tout ça, pourquoi ? Pour dire que, est-ce qu'il faut ou pas, à 9 ans, changer les croquettes et passer au senior ? Alors, vous pouvez attendre jusqu'à 10 ans. Mais Martine, d'accord, franchement, passer à 10 ans, même si elle est en très bonne santé, hein, vous savez, on voit pas ce qui se passe dans l'organisme, hein, c'est ça, oui, c'est que vous voyez que l'extérieur, donc elle a l'air d'être toute jeune, mais c'est vrai que ces croquettes quelque part préviennent aussi des maladies qu'elle peut avoir plus tard, d'accord, et lui apportent des nutriments qu'elle a, dont ces fameux antioxydants qu'on retrouve dans les crèmes anti-rides, quoi. D'accord. et qui vraiment, et puis surtout, ces croquettes sont faites, alors bien sûr, faut prendre du haut de gamme, sont faites pour soutenir les reins, soutenir le cœur aussi, et puis voilà, apporter des nutriments pour ces organes qui commencent à vieillir. Et c'est d'accord, plus de la prévention qu'autre chose, voyez. Donc voilà, moi je bon, allez, à 10 ans, si elle est en pleine forme, commencer à 10 ans, et puis donner des croquettes dits seniors. Alors on peut, si on a des seniors plus maintenant, ouais, c'est-à-dire des croquettes après 12 ans ou après 13 ans. D'accord. Ah pour vraiment les chats, voilà. C'est ça. Donc il y a les seniors moins et les seniors plus. Après il y a les seniors plus plus. Voilà. Voilà. Donc voilà, mais attendez 10 ans sans problème, il y a pas de il y a aucun problème si elle mange des croquettes adultes. Martine, merci beaucoup. Dans un instant nous aurons Pascal de Dordogne qui va nous parler de ses bergers allemands. C'est étonnant, on en parlait il y a pas longtemps. Oui, la semaine dernière. Et oui, justement, puisque je vous rappelle qu'à l'occasion de l'euro, on fait le tour d'Europe des pays qui, voilà, adorent les animaux, et on s'intéresse un petit peu à la législation dans chaque pays. Et vous verrez qu'il y a pas mal de différences par rapport à nous. Pascal, donc dans un instant, mais auparavant, les amis, le quiz de la vie privée des animaux. Et là, nous allons en Angleterre. En Angleterre, où chercheurs ont fait une étude poussée quand même concernant les moineaux, Laetitia. Eh oui, ils ont étudié la vie amoureuse et la vie sexuelle des moineaux. Ils se sont aperçus qu'il arrive que le mâle soupçonne sa femelle d'infidélité. Ah. Et dans ces cas-là, il a un comportement particulier. Lequel ? Je dis bien quand il soupçonne, hein, ça ne veut pas dire que la femelle est infidèle. Hein. D'abord, oui, il divorce. Alors justement, soit il ramène une autre femelle au nid, soit il fait la grève du sexe, soit il fait la grève du nourrissage des petits. Alors Laetitia, on a pas mal de réponses ce matin. Le seul problème, c'est que ça part dans tous les sens, donc ça m'aide pas beaucoup. Nous avons notre auditrice Tamara qui nous dit qu'elle pense que c'est le nourrissage des petits. Qu'est-ce que nous avons aussi ? Nous avons Jean-Michel qui pense que les moineaux font la grève du sexe. On a beaucoup de grèves du sexe. Christophe aussi nous dit ça. Il nous dit en plus, c'est ce que je ferais à leur place. Ah, c'est bien Christophe, bien réveillé. Cyril aussi nous dit ça, je pense qu'il fait la grève du sexe. Voilà. Jean-Claude vous souhaite un bon anniversaire. Voilà. Merci. Il vous fait de gros bisous. Jean-Claude, attention, je surveille. Attention, attention. Donc je vais dire la grève du sexe, Laetitia, parce que c'est rigolo, finalement. Voilà. Et puis c'est à la mode, la grève. Exactement. Exactement, c'est à la mode, Laetitia. Bravo. Eh oui, le soleil fait la grève, tout le monde fait la grève. Et pourquoi les moineaux ne feraient pas la grève du sexe ? Et tout à fait. Tout à fait, avec une petite banderole. The fait la grève du sexe. Et parce que ça zozote un peu, le moineau, quand il parle. Les moineaux mâles. Oui, mâles, bien sûr. Quand, pendant la période de fertilité de la femelle, ils s'aperçoivent que leur femelle passe beaucoup de temps hors du nid, qu'elle découche, quoi, quelque part. Oui, enfin, cela dit, elles peuvent aller chercher à manger, non ? Enfin, bref. Bah, justement, pendant la période de fertilité, c'est. Ouais, c'est un peu chaud. Quand même la fenêtre où c'est un peu chaud, quoi. Oui. Donc, j'allais dire c'est la fenêtre de tir, mais c'est finalement pas une bonne expression. C'est pas une bonne expression. Donc que fait le moineau ? Que fait mâle ? Le moineau ? Eh ben, il donne moins à manger à ses petits. Oh zut ! Je me suis trompé, dame Ned. Il donne moins à manger à ses petits. Voilà. D'accord. Quand il voit que sa femelle ça va. Passe plus de temps hors du nid, mm-hmm. Eh ben, il nourrit moins ses petits. D'accord. Bon. Bah écoutez, j'étais pas bon sur ce coup-là, la tia-tia. C'est pas grave. La grève du sexe. Bah non, mais je sais pas, moi, attendez, pourquoi pas. Et puis en plus, je suivais les avis de nos auditeurs chéris, c'est pour la ça. La grève du sexe. La grève du sexe, François. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? Il est 6h42. Hein, on revient dans un instant. Et nous aurons Pascal avec nous qui va nous parler de ces deux bergers allemands. Il habite en Dordogne. Où il y a des tiques. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs traitements contre les tiques, hein, des vaccins, des comprimés, etc. Alors, bon, enfin, il se pose toutes ces questions. On va en parler dans un instant. Et puis je vous rappelle que tout comme Pascal, vous pouvez joindre notre vétérinaire ce matin. 3216, c'est le standard. Ou bien par mail, animaux@rmc.fr et laissez-nous votre numéro de téléphone si vous nous joignez par mail. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Salut, c'est Jeannot Rességuier. Ça y est, ils l'ont fait. Tous ensemble, avec eux, derrière les Bleus, même s'ils nous font souffrir. Cette deuxième victoire de l'équipe de France, c'est un ticket pour les huitièmes de finale. Mais attention, pas de relâchement. Il faut aller chercher maintenant la première place à Lille à 21h contre la Suisse. L'Euro, c'est unique sur RMC. RMC, numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Tenue optimale sur une route côtière sinueuse. Un arrêt instantané en pleine nuit sous une pluie torrentielle. Une adhérence parfaite lors de l'accélération. Et si vous ne faisiez qu'un avec la route ? Ne faites qu'un avec vos pneus et la route ne fera qu'un avec vous. Pneumatique en coupe. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin. Les chiens, s'il vous plaît, il est 7h moins le quart. Ne réveillez pas le voisinage, enfin. Alors, je sais que c'est l'anniversaire de Laetitia et que, justement, vous lui manifestez votre joie. Mais quand même. Laetitia, on accueille Pascal ? Pourquoi quand même ? Non, mais attendez, pensez à tous ces pauvres auditeurs qui sont en train de dormir. Oui, ça les réveille là, ça les réveille. Sûr. Bon, Pascal est là, on l'accueille avec beaucoup de plaisir. Bonjour Pascal. Oui, bonjour les experts. Bonjour Pascal. Bienvenue Pascal. Alors vous habitez dans une région superbe, la Dordogne. Oui, que vous connaissez bien je crois. Oui, comment vous savez ça ? Vous m'avez dit. Ah bon ? Comment ça, elle vous l'a dit? Ah mais bon, on se connaît, Pascal? Bon, on va pas en dire plus. Mais attendez, Pascal, là, moi, il faut que j'en sache un petit peu plus, quand même. Parce que vous savez êtes jaloux, en plus. Oui, je n'ai pas honte de le dire, Pascal. Oui, je suis jaloux. Donc, vous allez moins nourrir les petits, quoi. Exactement. Je vais moins nourrir les petits. Je vais accrocher Laetitia, en fait, au nid. Donc Pascal, visiblement vous connaissez Laetitia, enfin non, peut-être... Non mais parce que c'est vrai qu'on évoque de temps en temps cette région aussi, Laetitia à la radio, et on sait que vous l'aimez bien. Tout à fait. Et qu'est-ce qui vous arrive donc en Dordogne, Pascal ? Alors, en fait, si vous voulez, donc la Dordogne est un très joli département qui a un triste record, c'est celui de la quantité de tiques et de pirots. Ah oui, c'est donc, vrai. Moi, quand mon premier berger allemand a eu un an, il m'a fait une pyroplasmose carabinée, et sur les conseils de ma vétérinaire, donc ça fait 9 ans maintenant qu'il est vacciné, donc 2 fois par an, une fois au printemps, une fois à l'automne, pour que la couverture du vaccin anti-pyro soit efficace. Oui. Et je leur donne à tous les deux en complément des cachets antiparasites. Donc je ne nommerai pas. Et chaque fois que je dis ça dans le milieu du chien, j'ai beaucoup de raillerie en me disant que je fais n'importe quoi. Qu'en donnant les cachets, j'empoisonne le sang de mon chien. Je pense que quand on met des pipettes ou quand on met un collier, on fait exactement la même chose puisque ça passe à travers la peau. Enfin, à mon sens. Et la deuxième chose, c'est que on m'a toujours dit que les vaccins, c'était juste pour engraisser mon vétérinaire et que c'était totalement inefficace. En attendant, moi, ça fait 9 ans que j'ai pas eu une seule pyro. Voilà, alors donc c'est pour ça que je voulais avoir votre avis. Ah oui, bah, c'est bien, vous êtes un bon avocat des vétérinaires, merci. Non, mais je voulais démystifier parce que moi, vraiment, pour mes chiens, ça marche. Eh ben, écoutez... Moi, dans une région comme la Dordogne, avec le nombre de tiques qu'il y a là-bas, et c'est vrai, parce que dans le sud-ouest, c'est vraiment un gros problème au printemps, en automne. Et c'est vrai, moi qui ai travaillé là-bas, je peux vous dire qu'en saison de tiques, on avait des cas de pyroplasmose tous les jours. avec plus ou moins de séquelles pour les chiens, hein, c'est-à-dire qu'il y a des chiens, il y a beaucoup de chiens qui sont morts parce que c'était trop tard, ou des chiens qui ont survécu à la pyroplasmose, mais avec des séquelles rénales en particulier. Donc c'est vrai que quand on a sorti ce vaccin, alors c'est pas un vaccin, alors le problème c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est un vaccin anti-tique, c'est-à-dire que on vaccine, voilà, c'est un vaccin contre une maladie transmise par les tiques. Et il faut savoir aussi que les tiques peuvent transmettre d'autres maladies, mais c'est vrai que chez le chien, comme l'ehrlichiose, la maladie de Lyme, mais chez le chien, vraiment la maladie la plus fréquente et la plus grave, c'est quand même la pyroplasmose, qui est un parasite qui se met dans les globules rouges et qui fait éclater les globules rouges. Et ce vaccin qui est sorti maintenant il y a longtemps et qui, s'il est encore sur le marché, excusez-moi, ça veut dire vraiment qu'il est efficace et qu'il n'a pas d'effet secondaire, ou très peu en tout cas pour ce vaccin-là, parce que sinon il ne serait pas encore sur le marché, parce qu'il y a quand même une surveillance par ce qu'on appelle l'agence du médicament vétérinaire. Et moi qui l'ai utilisé très longtemps et qui l'utilisait encore longtemps, je vois qu'il est efficace. Alors il peut y avoir, pour certains chiens quand même, qui s'attrape quand même avec ce vaccin, la pyroplasmose, mais la pyroplasmose c'est alors à un stade qui est léger, dans le sens où c'est pas grave, il développe une maladie qui est moins grave que s'il n'avait pas été vacciné. Et là vous voyez vos animaux, ils sont bien vaccinés, vous les traitez en plus avec un produit antitique en comprimé, ça c'est nouveau aussi. Alors ça aussi c'est régulièrement on me dit, oh bah oui, mais si on donne un comprimé antitique, alors c'est antitique et antipuce, hein, vous avez vu, hein, Pascal, on empoisonne le chien avec ce produit. Alors c'est vrai que le principe c'est quoi, c'est que le produit, le principe actif qu'il y a dans le comprimé se retrouve dans le sang, et que la tique, quand elle mord, parce qu'elle mord en fin de compte la peau pour pomper le sang, elle s'empoisonne et elle meurt. Ou la tique, ou la puce, aussi pareil. D'accord. C'est le principe de ce comprimé-là. Donc on se dit, ah bah ça veut dire qu'il y a un poison dans le sang. Oui, mais il y a un poison dans le sang pour la tique ou la puce, pas un poison pour le chien, bien entendu. On va pas empoisonner le chien pour empoisonner les tiques. Alors après on va me dire, oui, mais la tique doit donc prendre son repas de sang pour mourir, donc elle peut transmettre la pyroplasmose. Non, parce qu'il faut savoir que la tique transmet la pyroplasmose à la fin de son repas, qui peut durer plusieurs jours. Vous savez que les tiques se mettent sur la peau du chien, ils peuvent rester plusieurs jours. Donc le médicament que vous lui, enfin le comprimé que vous lui donnez, ce poison là, elle l'absorbe au tout début de son repas et elle meurt très vite. Donc elle a pas le temps justement de transmettre la pyroplasmose au chien. Donc c'est pour ça que c'est très bien de donner ce comprimé là. Et c'est un comprimé qui contient un principe actif comme un antibiotique. Vous allez pas dire j'empoisonne mon chien parce qu'il a un antibiotique dans le sang. Voyez, donc c'est pareil, c'est un produit. Alors cette molécule a une action très précise sur le système nerveux des acariens, c'est-à-dire les tiques, et des insectes, c'est-à-dire des puces. Mais cette action très précise de ce principe actif n'a pas du tout d'action sur le système nerveux des mammifères. Voilà. Donc c'est pas un produit toxique pour le chien. Donc Pascal, c'est très bien, et continuez à donner ces comprimés, continuez bien sûr à vacciner votre chien contre les tiques, parce que vous êtes dans une zone où le risque est énorme et que vous pouvez perdre votre chien. Et vous avez votre chien depuis 9 ans et il n'y a pas eu d'autres problèmes de pyroplasmose, ce qui prouve bien, surtout vous en Dordogne, que ce vaccin marche bien. Efficace. Et puis ne vous inquiétez pas pour ces comprimés-là, ce sont des médicaments. On a vérifié l'innocuité chez le chien. Il n'y a pas de souci à avoir. Voilà, et c'est sur prescription, ce qui veut bien dire que c'est un médicament. Oui. C'est-à-dire qu'il faut une ordonnance. C'est pas quelque chose qu'on achète comme ça. C'est pas quelque chose qu'on achète comme les fameuses pipettes ou d'autres sprays que vous pouvez avoir dans des animaleries. C'est le vétérinaire qui le prescrit, donc ça veut bien dire que c'est vraiment un médicament. Il a une autorisation de mise sur le marché avec beaucoup, beaucoup d'études. Pascal, merci. On enchaîne avec Frédéric maintenant, Laetitia. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bienvenue Frédéric. Bonjour, merci. Moi, mon, c'est pas vrai, réellement pas un petit souci, enfin un grand souci. C'est, alors j'ai téléphoné la semaine dernière, j'ai écouté votre émission avec le comportementaliste, qui était très intéressant d'ailleurs, et je vous remercie d'ailleurs pour votre émission un peu tôt, effectivement. Heureusement, on a le podcast. Ouais. Vous savez que l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. À qui vous le dites, donc merci pour votre émission. J'ai une petite fille qui a 20 mois, qui est formidable, qui est là qui vient, s'approche de moi. Oui, c'est le matin, pardon. Donc quoi, elle vous regarde là? Oui, elle est là. Oui, après, c'est un pégon là. Je l'appelle pégon parce qu'elle était tout le temps très très proche. Et donc bon, elle est extraordinaire. Et en fait, lorsqu'on rentre au niveau comportement, donc lorsqu'on rentre, elle a elle nous fait la fête, évidemment, et elle vient, et elle nous saisit avec sa mâchoire le poignet. Oui. Alors, elle serre pas, elle le saisit, et puis elle est hyper contente, elle saisit le poignet, et puis après, bon, elle le lâche, et elle fait ça à tout le monde. Et le problème, c'est que, bon, vous connaissez la phobie que certains ont au regard de ces chiens. Et il pense que c'est elle est agressive. Ah, elle me mord. Oui. Alors que bon, pas du tout. Et du coup, en fait, j'ai eu des fois des rencontres où des personnes retiraient la main parce qu'ils avaient peur et du coup, ils se faisaient griffer. Eh oui. Voilà. Donc alors, je sais pas parce que ça a l'air très. Enfin, en tout cas pour nous qui la connaissons, ça a l'air très affectueux. On dirait par l'intermédiaire de ce comportement qu'elle nous dit bonjour et c'est mon papa, c'est... Vous avez raison, Frédéric. Ouais, d'accord. Vous avez raison. Alors il y a des chiens qui comme ça prennent la main, prennent le poignet, mais sans mordre. Hein, délicatement. Oui, délicatement, hein. Ouais. Et alors, il y a beaucoup de personnes qui disent attention, c'est un signe de dominance. Si le chien vous prend le poignet comme ça, ça veut dire qu'il veut vous dominer. Pas du tout. Quand deux chiens sont ensemble, alors souvent c'est quand il y a un petit chien et puis un gros chien, un chiot et un chien, il arrive que le chien adulte prenne délicatement le chiot comme ça, au niveau du cou, au niveau de la tête, sans mordre, bien sûr. Et c'est juste une histoire de rentrer en contact. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, François, vous serrez la main. Ben bien sûr. Mais comment un chien peut-il serrer la main? Ou alors je vous fais la bise. Voilà. Ben voilà. Alors le chien peut faire la bise en nous faisant une petite léchouille. Oui. Mais comment fait-il pour serrer la main? Ben il peut pas. Et voilà. Ou alors il faudrait qu'il nous fasse un check avec sa patte. Et voilà. Il peut faire ça. On peut lui apprendre ça aussi. Mmh. D'ailleurs, c'est ce que vous pouvez lui apprendre, Frédéric. Mais il y a des chiens qui veulent entrer en contact avec leur maître. Ils ont trouvé ça parce que, vous savez, le chien prend tout dans sa gueule, hein, puisque c'est sa façon de, voilà, d'explorer son environnement ou de rentrer en contact aussi avec d'autres chiens. Donc, il prend le poignet et puis si un jour il le fait et puis que ça se passe bien parce que on le caresse et on est content parce qu'il nous prend comme ça affectueusement le poignet, eh ben, il se dit, c'est ma manière à moi, c'est mon rituel à moi de dire bonjour et de donner un signe d'affection à mon maître. Alors, soit vous l'acceptez, soit vous l'acceptez pas. Si ça pose un problème pour tout le monde, parce que ces chiens-là sont des molosses et que certaines personnes ont peur de ces chiens-là, vous pouvez aussi lui dire de checker. Voilà, vous pouvez lui apprendre à checker. Ça c'est vrai parce qu'il y a des chiens qui checkent, donner la main, mais checker dans la main. Et vous pouvez lui dire non en enlevant sa gueule pour lui signifier que vous ne voulez pas qu'elle le fasse. Et petit à petit, elle va moins le faire. D'accord. Mais sinon, c'est juste un signe d'affection. Et c'est sa manière à elle de vous dire bonjour et de prendre contact avec vous. Mmh. Il y a des chiens, c'est comme ça. Il y en a d'autres, c'est pas un signe de dominance. Ne vous inquiétez pas. Ça aussi, ça court sur les réseaux sociaux. Faites attention. Non, c'est juste sa manière à elle de vous dire bonjour. Mais vraiment, si ça pose problème, parce que c'est vrai qu'elle peut prendre la main d'un enfant... Et l'enfant peut avoir peur. Dans ces cas-là, montrez-lui que c'est pas bien de le faire. D'accord. Et donnez-lui autre chose à faire pour dire bonjour et checker, c'est pas mal. Parfait. Laetitia, il nous reste quelques minutes. Petite question mail. C'est la question de Patrick. Ma chienne Isis va avoir des petits. C'est une femelle labrador et je sais qu'il y a toujours de grandes portées. Que faire si elle délaisse un des chiots? Puis-je le nourrir au biberon? Oui, alors là, oui, il faudra faire attention parce que les labradors peuvent avoir jusqu'à 12 petits, c'est énorme. 12 d'un coup? D'un coup, c'est énorme. 10, 12, alors, c'est incroyable. Quand vous voyez les, alors, la mère est un peu dépassée à un moment, hein. Ah bah, au bout d'un moment, à 12. À 12, voilà. Alors, c'est pas qu'elle va les délaisser, c'est que certains vont peut-être boire moins le lait que d'autres. Et oui. Donc elle va pas avoir de lait pour tout le monde. Donc c'est là où il va falloir intervenir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est les plus, les plus téméraires qui vont y aller au début. Ouais, ben il y a souvent le, c'est marrant parce que les petits souvent ils ont leur tétine et ils la gardent. C'est, c'est leur champ privé. C'est ça. C'est voilà. Ils mettent un post-it dessus. Attention, voilà. À moi. Ils marquent. C'est marrant parce qu'ils veulent toujours aller à la même. Oui. Du coup, ils veulent pas que les frères ou sœurs y aillent. Donc faites attention. Il peut y avoir de la concurrence à la tétine entre les chiots. Donc c'est là où il va falloir intervenir, Patrick. D'abord, première chose, dès la naissance, il faut que tous les petits aillent boire le lait, le premier lait de la mère, qui est le colostrum, qui contient tous les anticorps maternels. Qui va protéger les petits lors de leur première semaine de vie. Donc ça, c'est très important qu'ils boivent ce lait. Et ce que vous allez faire, Patrick, c'est que vous allez mettre un petit ruban différent à chaque petit pour les identifier. Et vous allez peser avec la balance de cuisine chaque petit tous les jours. Et faire une courbe de poids de tous les petits tous les jours. Ah oui, c'est un sport qui prend du temps. Élevage, c'est du boulot. Et si vous voyez qu'un petit stagne en poids ou diminue en poids, il faut le biberonner. D'accord. Direct, avec biberon, alors avec du lait maternisé pour chiot que vous aurez chez votre vétérinaire. Mais faites bien cette courbe de poids pour chaque petit et avec ce petit ruban et toutes les couleurs de la croix-ciel pour bien savoir qui déjà, est... Déjà, il faut trouver 12 rubans de couleurs différentes, c'est pas gagné. Oui, c'est pas gagné. Bon, vous pouvez mettre des petites étoiles dessus, ou des drapeaux de l'euro. Oui. Voilà. Ça c'est beau ça quand même. Son drapeau, voilà. Quelle belle transition Laetitia pour expliquer que tout à l'heure nous irons en Suisse pour nous intéresser justement à la législation au sujet des animaux en Suisse. Vous allez voir que les Suisses sont très protecteurs, hein. Oui. Et puis voilà, on parlera aussi de l'association 30 millions d'amis. On saura tout sur les poules et sur le Saint-Bernard. À tout de suite après la météo et les infos de 7h. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Christine Peña. Oui. C'est l'heure de la météo. Oui, eh ben on y va alors. Alors on y va, c'est parti. Eh bien, bonne nouvelle, les éclaircies se développent un petit peu partout. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est en Bretagne. Hein. Ça y est, le ciel se couvre. Ça, c'est la perturbation qui va arriver, traverser le pays. Il y en a encore entre une. Entre lundi et mardi. Oui, il y en a encore une. D'accord. L'amélioration, elle est un peu poussive. Hein. Ouais. On aura des belles éclaircies en Ile-de-France sur la région centre. Pour le nord-est, le temps s'annonce, elle est de nouveau menaçant avec quelques averses, mais beaucoup moins qu'hier. Vous voyez, c'est lent, c'est poussif. Sur le sud-ouest, alors là, les éclaircies sont très très belles proches de l'Atlantique, surtout sur les côtes aquitaines, sur les Pyrénées, au pied des Pyrénées et sur le Massif central, on a encore des nuages avec un risque d'averse. Et puis dans le sud-est, le soleil brille vraiment très généreusement. On a du Mistral et de la Tramontagne qui soufflent assez fort à 90 km/h. Et puis attention aux orages sur les Alpes et la Corse qui risquent de se développer. Les températures toujours aussi basses pour la saison, entre 17 et 21 degrés, 21 à Paris, 21 à Lyon et Bordeaux, jusqu'à 26 en Méditerranée quand même. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. Aujourd'hui, tout le sport est sur AMC. Avec dès 14h, Formule 1, départ du Grand Prix d'Europe. 15h, l'arrivée des 24h du Mans. Et à 21h, intégrale UEFA Euro 2016, coup d'envoi de Suisse-France et de Roumanie-Albanie. À la radio, sur votre portable, votre tablette, sur internet, RMC. C'était RMC, il est 7h. Toute l'actualité maintenant avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François. Presque une semaine de passé, l'émotion ne retombe pas dans les Yvelines. Marche hier, marche du souvenir pour le couple de policiers assassinés par le terroriste à Bala. Une primaire de la gauche gouvernementale, finalement elle aura bien lieu. François Hollande devra s'y soumettre, ce sera en janvier 2017. Et puis les Bleus doivent encore un petit peu plus nous séduire. Ils en ont l'occasion ce soir face à la Suisse, dernière rencontre de match de poule à 21h. 7h01 sur RMC, bonjour à tous. La mise en examen cette nuit des deux proches de la Rossi à Bala, mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes et écroués, dernière évolution de l'enquête sur le meurtre du couple de policiers à Magnanville lundi dernier. L'enquête et puis l'émotion, encore une fois le silence, les larmes hier dans les Yvelines, marche organisée à Mantes, la ville là où travaillaient les deux policiers, Léa Zachary. Des visages fermés, quelques larmes essuyées. C'est dans un silence absolu que le maire de la ville, Michel Vialet, a rendu hommage à Jean-Baptiste Salvin et Jessica Schneider. C'est avec courage et détermination que nous sommes tous ici, mobilisés et unis pour défendre la paix et la liberté, pour défendre les valeurs de la République. Allons, enfants de la paix. Des centaines d'habitants ont tenu à être présents à cette marche blanche. Jean-Michel a même créé une pancarte tricolore dans la nuit. C'est les deux prénoms de Jean-Baptiste et Jessica. C'est ma face à moi de leur rendre hommage. Et c'est aussi pour avoir une petite pensée pour leur enfant, pour ce petit bout de chou. Là. Franchement, c'est atroce. Excusez-moi, je suis très ému. Émilie aussi est particulièrement affectée. Elle connaissait bien Jessica pour avoir longtemps joué au badminton avec elle. Je la connaissais, c'était vraiment une personne souriante, agréable. Donc oui, je suis là pour Jessica, pour son mari. On les soutient comme on peut jusqu'au bout. Montois, voisins ou amis, tous se sont ensuite rendus devant le commissariat où travaillaient les deux policiers afin d'y déposer une fleur. Une autre marche est prévue aujourd'hui à l'initiative des mosquées de la ville. Le reportage de Léa Zachary. Le terrorisme en Belgique. Cette fois-ci, trois hommes inculpés cette nuit. Trois hommes parmi une dizaine de personnes interpellé hier, principalement dans la région de Bruxelles. Claude Moniquet du Centre européen pour le renseignement européen donne quelques précisions ce matin. Dans les dernières heures, vendredi, les choses se sont accélérées puisqu'on a commencé à évoquer des cibles et que ces cibles, c'était entre autres des fan zones à Bruxelles et que l'attentat devait se commettre pendant le match Belgique-Irlande. Donc oui, un attentat a été évité incontestablement. On savait qu'il y avait des armes, on savait qu'il y avait des explosifs et on savait qu'il y avait, et c'est là le cœur du problème, deux équipes. Et le problème, me disent mes sources, c'est qu'une des équipes a été neutralisée mais que l'autre équipe serait toujours recherchée. On n'a trouvé aucune arme, aucune trace explosive. Donc ça prouve que si les renseignements sont crédibles, mais ils sont ailleurs et ils sont peut-être disponibles pour une deuxième équipe. Claude Moniquet interrogé par Romain Cluzel. C'est le premier sondage après le meurtre de la députée Jo Cox au Royaume-Uni. À 5 jours du référendum sur le Brexit, les partisans du maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne prennent la tête avec 45% des suffrages contre 42% de votes favorables au Brexit. Autre scrutin, il aura lieu les 22 et 29 janvier prochain, primaire de la gauche gouvernementale. Le Parti socialiste a validé le principe hier pour la première fois. Un président de la République devra donc se soumettre à un scrutin dans son propre camp. Si François Hollande envisage un second mandat, et à gauche de la gauche, le dispositif a plutôt été validé, mais François Calfon, porte-parole d'Arnaud Montebourg, souhaite une vraie transparence. François Hollande n'en voulait pas. Manifestement, il a changé d'avis, nous nous en réjouissons. Maintenant, est-ce qu'on veut une petite primaire qui serait une primaire pour convenance personnelle? Autrement dit, la petite primaire, un costume taillé sur mesure pour François Hollande. Voilà, ça nous n'en voulons pas. Mais oui, à la grande primaire, celle de 2011, qui serait une primaire de mobilisation de l'électorat de gauche. François Calfon, micro de Marie Monnier. C'était trop dur. Les bacheliers sont en plein examen et aujourd'hui, quand ils échouent à une épreuve, ils ne se contentent pas de pleurer et de passer à la matière suivante. Ils lancent des pétitions. Épreuve d'anglais cette semaine, épreuve manifestement un petit peu trop compliquée pour Nolwenn qui a signé une pétition qui demande l'annulation d'un des exercices. Bah, la première lecture, déjà, j'ai trouvé ça compliqué, mais bon, après, je me suis dit, je vais lire plusieurs fois, comme je fais d'habitude. Et même quand je suis sortie de l'épreuve, j'avais toujours pas compris le texte. Ça traitait de notions écologiques, architecturales et historiques en anglais. On n'avait jamais vu ça en cours. Je pense pas avoir au-dessus de la moyenne, franchement. Moi, personnellement, j'aimerais que les correcteurs ils soient assez indulgents sur nos copies. Et ce matin, la pétition a recueilli plus de 11 000 signatures. Et oui, et ça fait plutôt rire Frédéric Monnier, les professeurs d'anglais. Moi, je trouve pas qu'il était très compliqué. Ça parlait d'un sujet actuel, l'écologie urbaine, le développement durable. Et oui, il fallait avoir quelques connaissances géographiques. Mais bon, si on sait pas que Manhattan et la rivière Hudson est à New York en terminale, je doute des capacités des élèves à ce moment-là pour avoir leur bac. Il y a réellement moyen d'avoir une bonne note en anglais. Je trouve que cette pétition n'est pas très légitime. C'est surtout drôle, je pense. Voilà le reportage de Julien Coudreau. Il est 7h05 sur RMC. RMC, UEFA Euro 2016. Cette fois-ci, il faut qu'ils soignent la copie pour se rassurer, mais aussi pour s'assurer une première place de leur groupe. Dernier match de poule pour les Bleus du foot ce soir face à la Suisse, avec comme titulaire Jean Rességuier, les deux stars contrariées, Pogba et Griezmann. Les deux n'étaient pas titulaires contre l'Albanie, mais les deux ont eu un rôle important dans la victoire. Griezmann, buteur, et Pogba, déclencheur de l'action du 2-0. Mais entre-temps, il y a eu la polémique. Sarabande ou bras d'honneur, c'est selon. Le milieu de la Juve a expliqué sa version à Deschamps, qui lui fait confiance et croit en sa sincérité. C'est ce qu'a expliqué le sélectionneur. Pogba, marqué par cette histoire, a une énorme envie de faire taire les critiques. Il est doué, on le sait, mais pas assez décisif chez les Bleus, un peu à l'image de Griezmann, qui, s'il retrouve petit à petit sa forme physique, n'a pas encore eu tout le rendement qu'on lui a connu cette saison avec l'Atlético. Lui aussi a envie de profiter de ce dernier match du premier tour pour remettre les compteurs à zéro afin d'entamer les huitièmes de finale de la plus belle des manières. Alors les Bleus sont déjà qualifiés pour ces huitièmes de finale, mais il y a malgré tout de l'enjeu ce soir, s'assurer donc une première place du groupe pour se faciliter la tâche ensuite. Didier Deschamps espère que ses joueurs en ont bien conscience. On prendra ce qu'on mérite. Le match, je vous le dis clairement, on va pas le jouer pour calculer ou quoi que ce soit. Puisque les Suisses aussi, même s'ils ont que 4 points, ils sont qualifiés. Hein. Avec 4 points, ils seront qualifiés. Donc le match sert à déterminer premier, deuxième, voilà. Et l'objectif, c'est de garder cette première place. Didier Deschamps au micro de Jérôme Sillon. Hier, les Belges ont rassuré leurs supporters, victoire 3-0 contre l'Irlande. L'occasion à Bordeaux d'un super match de supporters. Justement, la preuve qu'ils ne sont pas que bons pour la bagarre. Écoutez notamment ces supporters irlandais. C'était vendredi soir, sous un pont bordelais. Stand up for the French police, debout pour la police française. Hommage à la saveur un peu particulière dans l'ambiance actuelle pour les forces de l'ordre. Autre rencontre hier au Parc des Princes, la déception portugaise 0-0 seulement face à l'Autriche, dans une belle ambiance plombée malgré tout par le résultat. Morgan Mori. Un duel entamé dans les rues adjacentes du Parc des Princes, d'un côté les culottes de peau et les trompettes des Autrichiens. En face, des Français d'origine portugaise venus en grande partie de toute l'île de France. Et notamment pour voir gagner l'idole Cristiano Ronaldo. Dans le stade, 27 000 verts et rouges reprennent l'hymne national, la portugaise. Mais s'ils ont le nombre, les Lusitaniens perdent le match des tribunes contre les Autrichiens. Défaite dans les tribunes, match nul sur le terrain, pénalty raté de Cristiano Ronaldo, fait gâcher. Voilà le reportage de Morgan Mori. Dernier résultat de ce samedi, le match nul un partout entre Islande et Hongrie. Et puis le rugby ce week-end, on connaît l'affiche de la finale du top 14 cette saison. Ce sera la semaine prochaine. Affrontement entre le Racing et Toulon. Toulon qui s'est qualifié hier en battant Montpellier. D'où la bonne humeur de Bernard Laporte. Encore une fois, beaucoup de satisfaction, parce que vous m'auriez dit ça il y a 4 mois. Je crois que ça aurait été prétentieux de dire on ira en finale, mais c'est les joueurs qu'il faut féliciter parce qu'ils ont relevé ce challenge. Et comme je leur disais avant le match, vous savez, quand on va au Real de Madrid, on veut ressembler à Zidane et on veut surtout faire mieux que Zidane. Quand on vit à Toulon, c'est difficile aujourd'hui de faire oublier Botta, de faire oublier Williams, de faire oublier Mazoué, de faire oublier Mann. Je leur ai dit voilà, votre challenge il est là. Si vous ne les faites pas oublier, vous aurez été de passage. Les gens de légende, ils écrivent leur nom à l'angle du stade. J'espère qu'ils le feront vendredi soir. Voilà, la Bernard Laporte, vendredi soir, ce sera au Camp Nou à Barcelone. François Sorel, 7h09 sur RMC. Votre nom n'est écrit nulle part Non. Je sais pas. Non. Écoutez, désolé. Je rentrerai pas dans la légende, c'est pas grave. Désolé de vous rappeler la dure réalité. Oui, c'est vrai. Mais si vous êtes une légende des courses. Oui, avec le prix de Diane. Pour le tiers écarté quinté plus cet après-midi, c'est à Chantilly, Thomas. Sébastien Arras nous conseille de retenir le 10, la Cressonnière, et le 9, Armande. Brahim Asloum aime beaucoup l'As Swiss Range. Et Laurent Guédard nous conseille le 8, Volta, et le 13, Juliette Rose. Le 10, le 9, l'As, le 8 et le 13. Epic Series, la course qui ne s'arrête jamais. PMU.fr, Paris Sportif, Paris Hippique, Poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. Il est 7h10. Le retour de votre week-end des experts, les animaux. Et puis tout à l'heure, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau à partir de 8h. Deux heures entières durant lesquelles vous pourrez poser toutes vos questions auto. L'essai de la semaine, ce sera la Tesla Model X, hein, un modèle électrique très attendu, le nouveau modèle de Tesla. Et puis bien sûr, toute l'actualité dans le monde de l'auto. Laetitia, On va évoquer pas mal de sujets d'ici 8h. Une nouvelle campagne contre les abandons, ça sera avec 30 millions d'amis et Réa Hutin, sa présidente. On saura tout sur les poules aussi tout à l'heure. Mais pour l'instant, direction la Suisse. Eh ben oui, la Suisse, parce que ce soir, c'est France-Japon. France-Suisse. Ah oui, j'ai compris, France-Japon. Japon. Ah oui, non, parce que le Japon, c'est ce qu'on mange à Noël. Alors, moi, je suis divisée parce que j'ai une partie de ma famille qui est suisse, l'autre partie française. Oui, c'est un peu embêtant. Ça va être difficile ce soir. J'espère que ça sera un match nul. Voilà. Oh. Voilà. Alors là, je crois que on va m'envoyer les tomates. Enfin, cela dit, ça sera pas trop grave un match nul pour la France. Hein. Non, je crois que voilà. Bah, Aurélie n'est pas contente, là. Elle fait une drôle de tête. J'ai l'impression que... Vous risquez d'être un peu sermonné en la sortie du studio tout à l'heure. Et alors nous, on fait dans notre émission un peu notre euro aussi, eh oui. Puisqu'on s'intéresse aux pays qui sont dans la compétition. Et surtout, on s'intéresse à leur loi, à la place de l'animal dans ce pays. Et bien sûr, nous allons en Suisse et nous sommes avec Fabien Loup de l'Office fédéral vétérinaire suisse. Fabien, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, en 2008, a été votée une loi sur la protection des animaux qui a fait beaucoup parler d'elle, surtout en France, parce qu'il y a certaines mesures qui ont de quoi nous surprendre, nous Français, parce qu'elles vont vraiment bien au-delà des lois qu'on a pu voter en France. Alors, commençons par les chiens, et plutôt par les futurs propriétaires de chiens. D'abord, l'identification est obligatoire pour tous les chiens, comme en France, mais ce qu'il y a de plus chez vous, c'est qu'il faut, quelque part, passer un permis pour avoir un chien. C'est vrai ? Alors, c'est pas tellement... Oui, en fait, il y a une formation à faire, effectivement. Oui. Vous savez qu'on a eu un accident qui a occasionné la mort d'un enfant dans la région de Zurich en 2006. Oui. Et les politiciens ont décidé qu'il fallait que ça cesse, que... Fallait éduquer les chiens. Oui, qu'on a un meilleur contrôle sur les chiens, c'est-à-dire que les propriétaires aussi fassent preuve qu'ils connaissent le chien, qu'ils savent s'en occuper et puis que, qu'ils prennent leurs responsabilités. C'est pour ça qu'il y a eu des cours qui ont été imposés, donc ce qu'on appelle une attestation de compétences, qui a une partie théorique où il y a une partie pratique, effectivement. Et alors, je sais que les animaux ne sont pas vendus en animalerie, enfin les chiens. Oui, c'est exact, parce que il y a la même réflexion, c'est-à-dire que le futur détenteur de chien doit aussi prendre ses responsabilités, il doit connaître l'élevage. Oh, d'accord. Donc si vous achetez un chien en animalerie, en principe vous ne connaissez pas grand-chose du contexte du chien, de la famille, de la mère, du chien. Donc l'idée c'est que chaque propriétaire qui va acquérir un chien, oui, s'inquiète de savoir d'où il vient, et puis de savoir comment était la mère, quels étaient aussi quel est le comportement de la chienne. Et c'est pour ça que l'idée principale de vendre un chien en animalerie n'a pas été acceptée. Vous savez que on a une campagne en commun avec l'Union européenne contre le trafic de chiens illégaux, notamment des pays de l'Est. Oui. Et là on a le même message, c'est-à-dire que tout futur détenteur de chiens, oui, doit s'inquiéter de son élevage, d'où vient le chien, est-ce qu'il a été élevé dans de bonnes conditions, de sociabilisation, etc., etc. Et en plus, il a des conseils de l'éleveur aussi. Voilà, c'est ça. Alors, c'était aussi exactement. Donc, je pense que ça, c'est une partie importante. Souvent, chez nous, l'éleveur choisit, en fait, le futur détenteur. C'est-à-dire, si vous intéressez à une race, vous allez voir d'abord la chienne, vous allez voir ensuite la nichée. Et assez souvent... C'est le détenteur de la chienne qui dit, ben écoutez, ce chiot, je trouve qu'il a un caractère qui irait bien avec vous, avec votre famille. Ah ben dites, en France, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que, et en même temps, l'éleveur demande aussi le papier comme quoi on a suivi un cours. Alors, ça, c'est peut-être la zone un peu plus crise de la chose. C'est que, vous savez qu'en Suisse, on organise de telle sorte que ce sont les cantons qui appliquent la législation. D'accord. Et puis, là, on a des grandes différences. Alors, il y a des cantons qui sont très à cheval sur la législation, qui contrôlent la formation qu'ils ont. C'est souvent les communes qui sont responsables de cette application. Et vous avez des communes qui agissent, disons, en fonction des risques, c'est-à-dire s'il y a eu un cas de morsure ou bien s'il y a eu un cas d'hyper-agressivité, etc. Alors, la personne ou l'organisation ou le service vétérinaire en question ira et posera les questions, mais est-ce que vous avez fait ce cours? Et suivant s'il l'a fait ou pas, il y aura bien sûr une incidence sur les conséquences pénales ou administratives, par exemple. D'accord. Alors, passons maintenant aux autres animaux. Alors, les NAC, ce qu'on appelle les nouveaux animaux de compagnie, il y a des mesures comme quoi certaines espèces ne doivent pas être détenues seules, comme par exemple le cochon d'Inde ou la perruche. C'est vrai, ça? Oui, c'est exact. Alors là, la réflexion, elle est la même. C'est-à-dire que, en tout cas, ce qui concerne la perruche, même le cochon d'Inde, bon, là, vous direz, c'est peut-être pas très logique, mais ils sont considérés comme animaux sauvages encore, de par leur origine. On doit tenir compte au mieux de leurs besoins, de vraiment de ce qu'ils ont, de leurs propriétés. Donc c'est pour ça que le cochon d'Inde ou la perruche sont des animaux qui vivent en fait en groupe. Et oui. Et si une personne veut acquérir un cochon d'Inde ou un oiseau, eh bien, il doit tenir au mieux compte de leurs besoins. Et ça, c'est certainement un des points les plus importants. Donc il doit, parce que j'ai lu qu'il y avait une Miss, alors j'allais dire une Miss France, non, une Miss Suisse, qui avait été taquée parce qu'elle n'avait un seul cochon d'Inde et pas deux. Alors bon, ça c'est les cas qui ressortent. Vous savez, dans le cas du contrôle, on peut bien s'imaginer que les services vétérinaires vont pas contrôler chaque détention. Et oui, chaque maison, oui, pour savoir. Tout à fait. Oui. Mais il y a un message qui est déjà donné dans les dans les magasins qui vendent les animaux. Il y a un message très clair qui doit dire est-ce que vous avez un ou est-ce que vous avez deux animaux. Et ensuite, par exemple, si on achète deux cochons d'Inde, s'il y en a un qui meurt. Si on veut pas, on se dit, bon, ben voilà, dans quelques années, on veut plus de cochons d'Inde. Et là, il y a toujours des exceptions possibles. Mais l'idée, quand même, c'est de faire passer le message, de se dire, je dois tenir compte des besoins de l'animal. Ce n'est pas un jouet, l'animal. Je réfléchis à deux fois avant d'acheter un animal, un cochon d'Inde ou une perruche. Et c'est pour ça que je m'organise et je prends mes responsabilités. Bon, si on parlait de poisson rouge maintenant, Oui. Parce qu'il paraît que, tout ce qui est poisson, pour son bien-être, il est interdit de les jeter dans les toilettes, c'est vrai ça? Alors, on revient sur la même réflexion. Je vous disais que les animaux sauvages ont le même, disons, le même, on doit avoir le même respect, et le poisson est un animal sauvage. Donc, dans notre ordonnance ou dans notre loi, il y a un article 4 qui est très clair, qui dit que toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte, comme je le disais tout à l'heure, au mieux de leurs besoins, il doit veiller au bien-être. Et puis, il ne doit pas occasionner de douleurs, des maux ou des dommages, ou les mettre en état d'anxiété. Et si vous, maintenant, réfléchissez, qu'est-ce que vous faites avec votre poisson rouge dont vous avez plus envie, donc vous aimeriez vous en débarrasser, si vous le mettez dans les toilettes, si vous imaginez le parcours qu'il va faire, oui. Eh bien, on peut s'imaginer c'est que c'est de la maltraitance. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, c'est uniquement cette réflexion-là qui va jusqu'au bout, en fait. D'accord. Merci beaucoup, Fabien Loup, pour ces précisions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et bon merci dimanche. Pour l'intérêt pour notre ordonnance ou notre législation suisse, parce que je pense qu'on est beaucoup écouté aussi au niveau européen. Oui. On participe dans les groupes de travail. Donc, Mais c'est vrai parce qu'on vous donne toujours comme exemple, vous et l'Autriche aussi, qui est très en avance aussi sur cette protection des animaux. Et on donne toujours en exemple, vous et votre fameuse loi sur la protection des animaux. Merci encore, Fabien. Vous permettez encore, j'ai encore une phrase. Oui. Que l'idée, c'était en fait, quand on a fait l'ordonnance en 2008, c'était de se dire, mais en fait, où est-ce qu'on veut arriver? Et on a laissé des délais relativement longs pour beaucoup de choses qui étaient impensables peut-être en 2008 et qui maintenant sont tout à fait des choses tout à fait normales. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À vous. Et bon merci. Dimanche. Merci Fabien. Au revoir. 7h20, on reste en Suisse pour s'intéresser au Saint-Bernard, qui est aussi quand même un animal. C'est un peu, ça fait partie de la culture suisse quand Exactement. Même. Hein. C'est vraiment, voilà. Alors là, c'est un peu plus gros qu'un poisson rouge. Hein, c'est sûr. Le Saint-Bernard, on en parle dans un instant avec notre invité. À tout de suite, c'est RMC. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Peux-tu me dire pourquoi tu as choisi la Freebox Révolution? Mais bien sûr que je peux te le dire. Pour son lecteur Blu-ray inclus et ses appels vers les mobiles. Ah oui. Plus d'infos sur free.fr ou 1044. Merci Free. quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. Pendant l'Euro, il y aura des matchs de poule, des huitièmes de finale, des quarts de finale, des demi-finales, une finale. Mais une seule équipe jouera l'intégralité des matchs, sans exception. Cette équipe vous suivra partout. Elle sera dans votre kiosque, sur votre bureau, dans votre salon et même dans votre poche. Cette équipe, c'est l'équipe. Le journal, la chaîne, le magazine, le site. L'équipe, partageons le sport. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, 7h21, c'était RMC, le week-end des experts et les animaux. On est ensemble avec Laetitia jusqu'à 8h. Et puis ensuite, ce sera, vous le savez, l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, on accueille maintenant Gabriel Frigieri de la Fondation Barry du Grand Saint-Bernard. On va évoquer cet animal emblématique maintenant. Oui, bonjour Gabriel. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors la Fondation Barry du Grand Saint-Bernard a repris il y a 11 ans maintenant le chenil et l'élevage des chanoines qui élevaient des chiens Saint-Bernard depuis plus de 3 siècles. Alors pour situer, votre chenil se situe en Suisse bien sûr, à 2500 mètres, au fameux col du Grand Saint-Bernard, un berceau de la race. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de cette race, l'histoire du Grand Saint-Bernard. Alors ça sera très difficile pour moi de vous raconter l'histoire du Saint-Bernard en quelques minutes, mais je pense qu'on arrive à retracer l'histoire du Saint-Bernard autour de différentes thématiques. Alors la première thématique, c'est le Saint-Bernard de Menton, le vrai Saint-Bernard à deux pattes, comme je le dis souvent, qui est à l'origine de tout. Sans lui, je pense que le Saint-Bernard n'existerait pas aujourd'hui. Donc c'est lui qui a créé l'hospice du col du Saint-Bernard, c'est lui qui a accueilli les premiers chiens, enfin c'est leur congrégation qui a accueilli les premiers chiens à l'hospice. Oui. Donc de là est née la légende du chien Saint-Bernard. Ensuite, on a tout ce qui est effectivement l'hospice du Saint-Bernard, qui est un lieu d'accueil, un lieu de recueillement aussi, qui accueillait les personnes ou les pèlerins qui franchissaient les Alpes. Donc c'est aussi un élément important dans l'histoire du Saint-Bernard. On a aussi l'histoire qui a été construite grâce à Napoléon, votre Napoléon. Ah bon? Oui, bien sûr, qui a franchi le col du Saint-Bernard avec son armée en 1800. Qui a certainement aussi aidé à faire toute l'histoire du col du Saint-Bernard et aussi du chien Saint-Bernard. Tous ces éléments ont un fort impact historique sur la légende et le mythe du chien Saint-Bernard. Bah, le mythe, c'est quand même le chien sauveteur avec son petit tonneau et son eau de vie dans le petit tonneau. Est-ce que c'est vrai, ça? Alors oui, effectivement, le mythe du tonneau, et on dira jamais ce qu'il y a eu dans le tonneau, mais effectivement, le mythe du tonneau et la légende du tonneau est fortement lié au Saint-Bernard. Après, il y a plein d'autres légendes aussi. On en parlera peut-être plus tard, mais Barry 1 est un chien légendaire avec énormément de légendes autour de ce chien qui a justement fait en sorte que ce chien est devenu un mythe, un symbole national, voire même international. Oui, parce que Barry, c'était un chien sauveteur qui a sauvé pas mal de personnes, c'est ça? Alors oui, tout à fait. Alors Barry était un chien sauveteur. Le Saint-Bernard était un chien de sauvetage en montagne. Et il ne l'est plus aujourd'hui, d'ailleurs. Non, il ne l'est plus, effectivement. Pourquoi? Tout simplement parce que les moyens d'intervention en montagne, en cas d'avalanche, ont fortement changé avec les années. À l'époque, on montait à pied sous le site de l'avalanche avec des chiens. Donc le Saint-Bernard, de par sa robustesse et sa stature, était fortement approprié pour ce genre d'engagement. Et à l'heure actuelle, on utilise plutôt l'hélicoptère. Oui. Et l'hélicoptère ne permet pas d'avoir plus qu'une certaine charge. Donc le chien Saint-Bernard, avec son poids, on a préféré plus des races plus légères, telles les Malinois, les bergers allemands ou les Labradors. D'accord. Et le chien Barry, alors, c'est quoi son histoire? Alors le chien Barry est né en 1800, il est décédé 14 ans après à Berne, la capitale de la Suisse. Son histoire ou sa légende dit qu'il a sauvé 40 personnes et il aurait été tué par la 41e personne qui pensait que c'était un loup. Mais ça bien sûr c'est une légende, mais effectivement Barry 1 est le symbole vraiment représentatif de la race du chien Saint-Bernard. Alors, il y a 10 ans, les chanoines qui élevaient des Saint-Bernard ont décidé, pour des raisons financières, d'arrêter cette activité, de vous confier ce chenil, qui est... pourquoi poursuivre à tout prix cet élevage? Quelle est la valeur ajoutée de cet élevage que vous avez? Alors, je ferai juste une petite correction. Les chanoines n'ont pas uniquement remis l'élevage pour des raisons financières, mais aussi pour des raisons de capacité en personnel. D'accord. Aussi parce que leur mission est plutôt d'accueillir les gens et dans la spiritualité. L'élevage, c'est quand même professionnel, c'est beaucoup de boulot, Voilà, tout à fait. Donc, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus forcément les moyens en personnel pour poursuivre cet élevage. Et, excusez-moi, il était fortement... ça a vraiment été l'intention de la Fondation, c'était de reprendre cet élevage parce qu'on ne pouvait pas laisser mourir l'élevage du chien Saint-Bernard à son origine. Donc, on ne pouvait pas laisser mourir ce mythe national. Et c'est pour ça que la Fondation a été créée, pour reprendre justement cet élevage. Alors parlez-nous du caractère du Saint-Bernard, parce que bon, on connaît le film Beethoven, bien sûr. Hein, voilà, ça a fait connaître d'ailleurs la race dans le monde entier. Je sais que c'est une race qui est très populaire aux États-Unis, mais aussi dans les pays. Et qui a aidé aussi à lui donner une bonne image. Ben oui, une bonne image. Est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est bonnaire? Quel est son caractère, son vrai caractère? Alors, je pense qu'on peut déterminer un caractère général pour la race chien Saint-Bernard, effectivement, qu'il est calme, qu'il est affectueux. On l'assimile souvent à tort, peut-être, à une peluche. Mais, oui, c'est vrai. Après, tous les chiens Saint-Bernard ne sont pas forcément tous gentils non plus. On rend vraiment attentif à nos visiteurs en leur disant, faites attention, un chien reste un chien, il a un instinct, il peut être violent. Oui, bien sûr, Tout dépend aussi de son éducation, de son environnement, de son encadrement. Généralement, effectivement, le chien Saint-Bernard est adorable, chou, mignon, tout ce que vous voulez. Mais on rend quand même attentif les gens que tous les Saint-Bernard, de par leur éducation, peuvent présenter certains défauts. Alors c'est un gros chien, grand chien. À qui conseilleriez-vous cette race? Alors, on le conseille pratiquement à tout le monde. Il faut juste avoir un petit peu d'espace. Effectivement, c'est un grand chien par sa taille et son poids. Il faut avoir un petit peu d'espace, éventuellement un petit bout de terrain autour de la maison. Ça peut aider justement pour que le chien puisse aller se défouler un petit peu. Mais je pense que pour tout animal qu'on possède, en tout cas tout chien qu'on possède, y compris le Saint-Bernard, c'est d'avoir énormément d'amour à leur donner, d'avoir énormément aussi de temps à leur consacrer pour les promener, pour en prendre soin, pour s'en occuper. C'est pas un objet, on le laisse pas dans un coin. Vous parliez tout à l'heure de poisson, mais on peut pas le laisser dans un bocal tranquille à tourner en rond. Donc il faut vraiment avoir beaucoup d'amour et de temps à lui consacrer pour s'en occuper. Alors je sais que la Fondation veut que le Saint-Bernard devienne un bien culturel suisse. Est-ce que c'est un chien qui est beaucoup aimé en Suisse, qui est important pour les Suisses? Alors, je pense que le chien Saint-Bernard est effectivement très reconnu en Suisse, parfois pas assez à mon goût, personnellement, parce que nul n'est maître dans son domaine. Donc, en Valais, il y a beaucoup de gens qui connaissent encore pas le chien Saint-Bernard, mais je pense que quand on sort avec un chien, ce qui est énorme, c'est de voir le... Je dis souvent que le chien Saint-Bernard, c'est un aimant à être humain. Vous sortez avec un chien Saint-Bernard, vous avez tout de suite 10, 15, 20 personnes qui sont autour de vous, qui demandent à faire des photos. On a beaucoup de succès, ouais, c'est vrai. C'est bien pour draguer. Ça peut aider. C'est un autre débat. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel. Voilà. Merci. Merci à vous. Bon dimanche. Merci. Bon dimanche. Vous êtes de la Fondation Barry du Grand Saint-Bernard. Nous mettons le lien sur notre page Facebook si vous voulez en savoir plus sur cette race. Bon, Laetitia, on a parlé des animaux en Suisse, des poissons rouges et Saint-Bernard. Il faut qu'on évoque quand même les poules. Hein. Ça sera dans un instant. Ça serait bien. Et puis, nous aurons en ligne Réa Huitain, la présidente de la Fondation 30 millions d'amis, qui nous parlera de cette nouvelle campagne contre les abandons avec une vidéo très choc, hein, on peut le dire. À tout de suite après la météo et les infos. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos animaux sur RMC. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 millième véranda. Akena, la reine des vérandas. Un coup d'œil sur la météo, maintenant avec vous Christine Peña, bonjour. Bonjour François. Il semblerait qu'on voit enfin le bout. Le bout du tunnel. Le bout du tunnel. C'est pas mal pour aller René, pour les... Pour aller René. Oui, pour aller courir. Salut. Non, mais j'ai voulu, en fait, non, pas du tout. Pour aller courir, vous courez un peu non, oui, passé, pas mais oui, ouais, pas un petit peu. À Versailles, il y a un gros rassemblement en ce moment. D'accord. 15 000 personnes attendues. Il y a la course royale, ça vous irait bien, moi, je trouve. Ah oui, ça c'est vrai. Moi, je ferai la course des princesses. Bien sûr, hein, forcément. C'est Christine. Joli, non? Ah oui, bah, oui, voilà. Oui. On leur souhaite bon courage à tous ceux qui vont courir. Vous pouvez aller jogger un petit peu partout, d'ailleurs, dans le sud-ouest, belles éclaircies. Là où c'est un peu plus compliqué, on va jogger avec le Kawe. Ça va être en Auvergne, en Franche-Comté ou encore en Rhône-Alpes. On risque d'avoir encore ce matin quelques averses, des orages prévus sur les Alpes-Maritimes ou encore en Corse et puis des nuages pas mal nombreux. Sur la pointe bretonne, les températures toujours aussi fraîches à Versailles. Il fait 14 degrés en ce moment. Cet après-midi, nous aurons jusqu'à 21 degrés en région parisienne, 21 à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Paris, 27 à Montpellier, c'est là où il fera le plus chaud. Profitez d'un moment de détente avec piscine-hydrosud.fr, site internet et magasin spécialiste de la piscine. C'était RMC, il est 7h30. Un point sur l'actualité avec Thomas Chupin. Bonjour Thomas. Bonjour François, bonjour à tous. Ils doivent séduire encore un petit peu plus et surtout, surtout ne pas nous faire languir jusqu'à la 90e minute. L'équipe de France de retour sur la pelouse de l'Euro ce soir, 21h, face à la Suisse. Dernier match de poule, une première place du groupe est en jeu. Hier, la Belgique a relevé la tête, victoire 3-0 sur l'Irlande. À l'inverse, le Portugal est à la peine, 0-0 face à l'Autriche. Enfin, Islande et Hongrie ont fait match nul un partout. Le sport, c'est aussi le rugby, deuxième demi-finale hier soir du top 14 et Toulon qui a validé sa place en finale en battant Montpellier, 27 à 18. Toulon qui affrontera donc le Racing vendredi prochain en finale. C'est une première en France. Le président de la République devra passer par une primaire s'il envisage un second mandat. Processus voté à l'unanimité hier par le Parti Socialiste. Un scrutin de la gauche gouvernementale sera organisé en janvier 2017. Scrutin soutenu ce matin par Manuel Valls. Longue interview du Premier ministre dans le JDD où il évoque aussi la loi travail. Elle ne sera pas retirée, elle ne sera pas réécrite, rappelle Manuel Valls, qui appelle les syndicats à annuler les rassemblements face au risque de violence. Mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes, les deux proches de la Russie, Abala et Croetar, hier soir. Dernier élément de l'enquête sur le meurtre du couple de policiers dans les Yvelines lundi dernier. L'émotion ne retombe toujours pas sur place. Marche organisée hier à Mantes, la ville où travaillaient les deux victimes. Un autre rassemblement est organisé aujourd'hui à l'initiative, cette fois-ci, de la communauté musulmane. Et puis l'étranger, c'est le premier sondage après le meurtre de la députée Jo Cox au Royaume-Uni. À 5 jours du référendum sur le Brexit, les partisans d'un maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne prennent la tête avec 45% des suffrages contre 42% de votes favorables à ce Brexit. 7h32 sur RMC. Vous êtes avec Laetitia Barlerin et François Sorel, vos animaux. Merci beaucoup Thomas. Et prochain point sur l'actu, ce sera tout à l'heure à 8h bien évidemment. Et ensuite, Jean-Luc Moreau nous rejoindra pour l'automobile. Pour l'instant, nous sommes au cœur de ce rendez-vous animaux avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. RMC jusqu'à 8h, vos animaux. Laetitia Barlerin, François Sorel. 7h33, merci d'être là et bon réveil à vous toutes et à vous tous. C'est le week-end des experts, c'est les animaux avec notre vétérinaire, bien sûr, Laetitia Barlerin. N'oubliez pas le numéro de téléphone pour nous joindre, le 3216 ou bien animaux@rmc.fr. Laissez-nous votre numéro de téléphone si vous nous joignez par mail pour qu'on puisse vous rappeler. Laetitia, tout à l'heure, on évoquera cette nouvelle campagne contre les abandons signée 30 millions d'amis. On en parlera avec Réa Hutin. On évoquera aussi la fin de l'émission hein, 30 millions d'amis qui existe depuis de nombreuses années. Et qui, au bout de 40 ans, s'est arrêtée le 1er juin. Voilà, tire sa révérence. On va tout de suite maintenant s'intéresser sur les poules. La tia-tia. Et oui, parce que figurez-vous que cet après-midi est diffusé un documentaire animalier français sur les poules sur France 2 à 16h25. Ce qui est quand même assez étonnant, les poules. C'est vrai. Un documentaire, mais que la poule, hein, que sur les poules. Et nous sommes avec Benoît de Marle, qui est réalisateur de ce documentaire. Benoît, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, un documentaire entièrement consacré à nos amis les poules, c'est insolite. Pourquoi les poules? Alors, c'est un sujet qui est que j'ai découvert, moi, en faisant des recherches, plutôt sur la domestication des animaux. Oui. Et il s'est avéré que la poule était c'est le premier oiseau qui a été domestiqué par l'homme et qui a eu une histoire vraiment vraiment hors du commun parmi l'ensemble du monde animal. C'est un oiseau sauvage à l'origine qui vivait dans les forêts d'Asie du Sud-Est. Oui, et on voit dans votre documentaire, vous allez aller à la source justement de cette espèce. Enfin, vous allez chercher des poules sauvages, c'est ça? Exactement. Voilà, dans des forêts primaires en Thaïlande où il y a encore des populations de poules sauvages et qui sont les ancêtres de toutes nos poules domestiques qu'on élève aujourd'hui et qui sont extrêmement farouches. Ça a été très compliqué pour les filmer. Il a fallu se cacher dans les tentes d'affût pendant des heures. Et donc on s'y attendait pas trop quand on pense à la poule qui a plutôt une image d'une gamine assez... forcément très intelligente et en fait dans le milieu sauvage c'est un animal qui est extrêmement adapté à son milieu et qui s'en sort très bien dans la jungle et qui est très très compliqué à observer. Alors dans votre documentaire on apprend beaucoup sur le comportement des poules, mais surtout le comportement social des poules avec une hiérarchie, hein, on peut le dire, hein, des relations hiérarchiques dans la basse-cour. Tout à fait. Oui, c'est une espèce, aussi bien dans la forêt, en fait, dans le milieu sauvage que dans la basse-cour, qui établit une hiérarchie qui est très, très marquée, très stricte, qui se reflète par un comportement qui peut être très agressif et qu'on peut retrouver par du piquage, qu'on appelle le piquage, c'est-à-dire que les poules dominantes vont avoir tendance à donner des coups de bec derrière la nuque ou sur le croupion de leur dominé et à leur enlever des plumes et elles peuvent aller jusqu'à les tuer, quoi. Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans le comportement des poules? Alors moi, dans l'ensemble de ce voyage dans le monde des poules, c'était vraiment l'histoire des poules qui se sont ensauvagées sur l'île de Kauai, dans l'archipel d'Hawaï. Oui. Et que j'ai trouvé le plus intéressant et le plus drôle, en fait, sur cette petite île au milieu du Pacifique. En fait, des poules se sont évadées suite à deux cyclones consécutifs. Elles ont qui ont détruit les bâtiments d'élevage. Et elles se sont retrouvées dans un milieu qui ressemblait à leur forêt d'origine. Et elles ont su s'adapter et elles ont complètement envahi l'île. Il y en a partout où vous allez, il y a des poules. Mais qui sont, disons, semi-sauvages, quoi. Et ça donne une atmosphère très, très particulière à cette île. Et ça fait un petit peu c'est un petit peu devenu le royaume de la poule libre, quoi. Ce qui veut dire quand même que la poule, même si elle est très dépendante de l'homme, elle peut retrouver sa liberté et redevenir sauvage, quelque part. Exactement. C'est ce phénomène qui s'est passé à Kauai, qui s'est produit dans plusieurs îles tropicales. Elle a quand même besoin d'un climat favorable. Donc en France, par exemple, ça serait peut-être un peu plus compliqué, où elle pourrait passer peut-être une saison sympathique, mais les hivers sont trop rigoureux. Mais si le climat est favorable, c'est des animaux, oui, qui peuvent tout à fait se débrouiller tout seuls et qui vont même, du coup, retrouver des caractéristiques qu'ils avaient dans le milieu sauvage et que la domestication a réussi à gommer, quoi. Par exemple, elles vont, sur la taille, elles vont, dans le milieu sauvage, il est plus... Elles sont plus petites. Ouais, elles deviennent plus petites parce qu'elles sont plus adaptées. Elles ont besoin de moins de nourriture en étant plus petites. Et plus musclées aussi, j'ai vu. Et plus musclé également, ouais. Oui, pour le poulet rôti du dimanche, c'est pas génial quand même, ces poules-là. Non, ça va pas être les meilleures espèces pour. Et les poussins rôti. Aussi, c'est marrant parce que les poussins, alors qu'on a l'habitude de voir des poussins jaunes, hein, la plupart, là, les poussins sont plutôt de couleur terne, justement, pour ne pas se faire attraper par les chats, les chiens, enfin, les prédateurs, quoi. Ouais, c'est vrai pour les poussins, puis c'est vrai en fait pour les poules, elles aussi, enfin, pour les adultes, les femelles. La domestication a vraiment cherché, c'est vraiment le fait d'éleveurs qui ont cherché aussi des critères esthétiques. Donc plein d'éleveurs se sont amusés à faire ressortir des plumages très chatoyants, qui ont des plumes très colorées. Alors que dans le milieu naturel, c'est vraiment c'est plutôt des désavantages, quoi, d'être vu par les prédateurs. Et du coup, dans ce phénomène où elles redeviennent sauvages, et même chez les poules sauvages d'origine. On retrouve ça aussi, c'est-à-dire que les poules sont très ternes, elles ont plutôt le coloris d'un plumage camouflage de sous-bois, quoi, pour essayer de passer le plus inaperçu possible dans la forêt parce qu'il y a des prédateurs et que du coup leur vie est en jeu, quoi. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Donc, merci à vous. Ça s'appelle La planète des poules, votre documentaire, hein, et ça porte bien son nom. Il y a quand même 52 milliards de poules dans le monde, c'est dingue, quand hein. même. C'est ça, 7 fois plus que l'être humain. Donc, elles peuvent réclamer la planète. Voilà, 7 poules pour un être humain. Donc, et c'est cet après-midi, donc sur France 2, à 16h25. Merci Benoît, bon dimanche. Merci à vous, bon dimanche. Merci, au revoir. Voilà, et au passage, saluons France 2 qui, tous les dimanche nous propose des documentaires de qualité sur les animaux et il n'y a pas que des animaux sauvages, on le voit, la poule aussi a toute sa place. Exactement, et c'est très bien. Ils mettent aussi en avant beaucoup les documentaires animaliers français. En plus, et très je bien. Précise, parce qu'il y a beaucoup de documentaires animaliers qui viennent de la BBC, d'Angleterre, voilà. 7h40, c'est RMC et nous accueillons maintenant Réa Hutin, Laetitia, qui est présidente de la Fondation 30 millions d'amis et que nous accueillons avec beaucoup de plaisir. Bonjour Réa. Bonjour, bonjour Réa. François, bonjour Laetitia. Bonjour. Alors commençons d'abord, avant de parler de cette campagne contre les abandons, de votre émission 30 millions d'amis. C'est fini sur France 3 depuis le 1er juin, après 40 ans d'antenne, on en a déjà parlé dans cette émission. Alors d'abord, voilà, votre sentiment, il semblerait, j'ai lu, que vous prépariez la suite avec une ex-Miss France, Delphine Vespisseur. Écoutez, pour le moment, on pense nos plaies comme les chiens qui se lèchent la plaie, parce qu'on a été évincés d'une manière peu diplomatique oui, par vrai. La chaîne. Mmh. Et donc, chat échaudé craint l'eau froide ou l'eau chaude, Laetitia, je ne sais pas. Mais pour le moment, je ne dis rien. On est en préparation, on est à fond sur notre campagne. Et d'ailleurs, puisque nous sommes absents de France 3, dès ce soir, juste avant l'Euro de football, avant l'entrée de l'équipe de France sur le terrain, eh bien, il y aura notre spot. Oh, donc c'est voilà vrai comment on rentre à la télé. C'est fou, ça. C'est absolument fou. Alors, regardez bien, c'est juste devant, avant le match. Et donc, je suis très contente parce que l'ADN de 30 millions d'amis, c'est l'image. Ça fait 40 ans qu'on fait de l'image. Mmh. Donc, voilà. On revient à la télé par la grande porte. Mais pourquoi vous avez décidé de faire c'est une vidéo alors qui est très émouvante, mais qui est une vidéo choc quand même contre et les abandons. Et très bien réalisée, hein, on dirait un petit film. Magnifique. Oui, mais ça en fait des années que vous m'invitez, qu'on en parle des campagnes. Donc là, je me suis dit, il y en a marre, il faut taper un bon coup pour que vraiment, même le type qui veut abandonner son chien soit choqué lui-même et ait honte. Et je crois que pour la première fois, on a utilisé ce côté choc pour que les gens réagissent quand même. 60 000 abandons, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut absolument que les gens se responsabilisent parce qu'à un moment donné, ça devient un geste banal. Vous savez qu'il y a des gens tout à fait normaux qui me disent « Ah, mais vous savez, je ne sais pas quoi en faire du chien. Je vais l'emmener dans un refuge parce qu'il est vieux, il est malade, etc. » Donc, il faut arrêter de banaliser l'idée de se séparer d'un animal qui a fait partie de la famille. C'est pas possible. Mais maintenant, il y a une évolution des mentalités. Est-ce qu'il n'y a pas moins d'abandon quand même? Il y a moins d'abandon, c'est-à-dire à la sauvage sur une aire d'autoroute ou lorsqu'on coupe l'oreille du chien pour qu'on ne voit pas le tatouage, etc. Il y a plus de... Parce que ça, c'est puni quand même par 2 ans oui. d'emprisonnement oui. et puis, vous savez, il suffit qu'on les filme, ces gens-là, ça passe sur les réseaux exactement, sociaux. Exactement. Voilà. Par contre, ce dont je vous parlais, c'est le fait que les gens, ce qui n'est pas un crime, il faut se débarrasser de son chien, au moins de l'emmener dans un refuge pour dire je ne peux pas le garder. Mais c'est ça qui se banalise. C'est-à-dire les gens ont l'impression, enfin certaines personnes, hein, pas la majorité, qu'on peut juste prendre un animal, le voir grandir, le voir vieillir, et quand il est malade ou parce que ça ne vous convient pas, ça ne vous convient plus, eh bien on retourne, on le ramène au refuge. Donc c'est ça qu'il faut vraiment arriver à changer. Dire qu'un animal, c'est ça, c'est le spot, c'est ça, c'est de dire il est fidèle par-dessus tout, il vous suivra partout, mais vraiment, vous ne pouvez pas quand même vous en séparer. Il fait partie de la famille, il a vécu avec vous, il a dormi sur votre canapé. On ne peut pas avoir le cœur d'aller s'en débarrasser de la sorte. Mmh. Alors, on connaît vos campagnes contre les abandons. Peut-être ce qu'on connaît moins, c'est que vous aidez aussi les refuges, vous aidez les animaux abandonnés, et d'une façon un peu originale. Bah, c'est-à-dire que on aide 250 refuges à travers la France. Maintenant, nous avons notre propre refuge depuis quelques semaines, depuis quelques mois. Mmh. Et on est très contente parce que justement, c'est un endroit où on peut, lorsqu'on saisit des animaux, on appelle ça le CHU, Centre d'hébergement d'urgence. Et c'est tout nouveau. Je vous en parle pour la première fois. Oui. À l'antenne. Mais, et puis aussi, nous aidons les personnes à partir en vacances, puisque nous avons notre guide chaque année qui vient en aide aux personnes. C'est un vrai fascicule qu'on peut recevoir gratuitement en écrivant à la Fondation. On a notre nouvelle appli où, en géolocalisation, vous pouvez voir tous les endroits qui acceptent vos animaux, les restaurants, les campings, les hôtels, plages. Les plages, mais aussi les refuges. C'est-à-dire, si vous voulez profiter de l'été pour prendre un animal alors que vous avez du temps pour pouvoir vous en occuper et faire connaissance. Donc voilà, tout ça est là pour que le public puisse vraiment partir en vacances. Et lorsqu'on ne peut pas emmener son animal, eh bien toute la liste des pensions, les conseils sur ce qu'il faut faire avant de l'emmener en pension, etc. Donc vraiment, c'est un guide indispensable. Et puis tout un côté ludique avec autocollants, etc., cartes postales. Donc voilà, c'est totalement gratuit et c'est vraiment d'une grande aide. Et vous, est-ce que vous parrainez encore les chiens seniors des refuges? Absolument, c'est ça. C'est que c'est pas parce qu'on est vieux et moche qu'il faut pas se faire adopter. Donc voilà, la fondation s'engage lorsque quelqu'un prend le plus vieux chien du refuge à prendre en charge tous ses frais vétérinaires. Vous voyez, pour que les gens ne disent pas « Ah, mais il est vieux et ça va coûter trop cher ». Et en plus, il y a beaucoup de personnes âgées maintenant qui disent « Ah, mais je veux pas prendre de chien parce que je suis vieille, je vais mourir, il va rester seul ». Je dis « Mais prenez un vieux chien, au moins vous serez ensemble et vous ne vous priverez pas de ce bonheur d'avoir un compagnon ». Oui, puis avoir un jeune chien, c'est beaucoup de boulot aussi, d'éduquer, voilà. Et vraiment, quand vous voyez, moi, les personnes qui les adoptent m'envoient des photos. Donc vous voyez parfois des vieux chiens qui ont 15 ans et on sait qu'ils vont ils vont finir leur vie, mais ils vont passer 2, 3, 4 mois, 1 an, mais heureux comme des coqs en pâte, puisque vous aviez les poules tout à l'heure. Réa, merci pour ce petit témoignage. On se voit à la rentrée alors avec 3 millions d'amis. Absolument, on essaye. Mais bon, je sais que vous n'allez pas lâcher l'affaire comme ça, Réa. Ah bah non, hein, non, moi j'ai mon torchon, j'ai les crocs dedans. Hein. Merci. On va mettre sur la page Facebook ce film contre l'abandon qui est vraiment super. Ah, il y a déjà plus de 6 millions de vues, je crois bien. Voilà. Oui. C'est énorme. Merci Réa. Bon dimanche. Merci. Ça sera d'ailleurs notre vidéo de ce dimanche matin qu'on va partager sur la page Facebook de vos animaux sur RMC. Laetitia, on va revenir dans un instant et on va évoquer quand même cette histoire incroyable de petit tigre. Eh oui. Voilà. Vous l'avez sans doute entendu parler, une histoire de fou, un tigre qui a été... Bébé tigre qui s'est retrouvé à Saint-Denis, dans le 9-3. Dans le 9-3, voilà. Incroyable. Un tigre à Saint-Denis, mais il y a quand même quelque chose qui cloche, non? Bon, on va tout vous raconter dans une minute. Et puis, bien évidemment, toutes vos questions animaux 32-16 ou animaux@rmc.fr. À tout de suite. Le week-end des experts sur RMC, vos animaux. Jusqu'au 10 juillet, les plus belles rencontres se jouent en France. Mais pas seulement, elles ont aussi lieu chaque jour chez Temporis, le premier réseau national d'intérim et de recrutement en franchise. Intérim, CDI, Temporis, toute la réactivité de nos agences d'emploi partout en France. Retrouvez toutes nos solutions RH en agence ou sur temporis.fr. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion, mais ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détails sur peugeotwebstore.com. Quand les plus grands joueurs européens rencontrent la meilleure compagnie aérienne d'Europe. C'est avec fierté que nous sommes sponsors de l'Euro 2016. Vous êtes passionné de foot et vous soutenez l'équipe de France? Prenez une photo, partagez-la avec le hashtag EuropeBest et tentez de gagner votre place pour assister à un match de la France. Turkish Airlines. RMC, c'est au 32-16. 45 centimes la minute. Et au 7-32-16. 65 centimes par envoi, plus près du SMS. Pendant ce temps, chez Renault, la French Touch présente ses plus grands hits. Capture, le crossover ultra personnalisable et sa compile d'équipements. Airlink avec écran tactile, caméra de recul. Renault Capture est à partir de 169 euros par mois, sous condition de reprise. French Touch, touche française. Offre pour Capture Life Energy TCE 90 LLD 49 mois, 40 000 km maximum sous réserve d'acceptation par Diakessa. Restitution du véhicule au terme chez votre concessionnaire réservé aux particuliers jusqu'au 30 juin dans le réseau participant. Voir Renault.fr. RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Il est 8h10, c'était RMC, votre matinée chez nous. Après la météo et les infos de 8h, on changera d'univers, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau, vous le savez, comme chaque dimanche. avec Jean-Luc, entre autres, l'essai de la semaine va intéresser tous les fans de véhicules électriques puisque ça sera la nouvelle Tesla Model X. Voilà, une voiture, c'est un SUV et c'est un véhicule très attendu, on en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc. Mais dans l'immédiat, Laetitia, on va revenir sur cette histoire qui a fait quand même un petit peu l'actu. Hier, un petit tigre a été trouvé en Seine-Saint-Denis. Dans le 9-3. Dans le 9-3, exactement. Et oui, c'est quand même pas l'endroit privilégié pour avoir un tigre, c'est pas son milieu de naturel. J'ai l'impression. C'est peut-être la jungle là-bas, mais... Oui, mais pas ce type de jungle. Non, c'est sûr. En tout cas, nous sommes avec Eric Hansen, qui est délégué interrégional pour l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, qui a suivi cette affaire de très près. Eric, bonjour. Bonjour Eric. Bonjour François, bonjour Laetitia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un bébé tigre s'est retrouvé à Saint-Denis? Alors pourquoi, je pourrais pas vraiment répondre pourquoi, si ce n'est que dans... Ce qui est incroyable, c'est qu'on peut trouver, semble-t-il, que ce soit des armes de guerre, comme on l'a vu malheureusement récemment, mais aussi des félins et toutes sortes d'animaux. Et là, un jeune tigre s'est retrouvé dans des quartiers du 9-3. Et c'est grâce à une enquête du commissariat qui, par hasard, a découvert, dans le cadre de procédures de trafic de stupéfiants, a découvert des images d'un jeune tigre qui circulait dans certaines cités. Et à l'issue sur Facebook, Il y avait plein de vidéos et de selfies avec un petit tigre. Bon, c'est sûr que là, ça commence à mettre un peu la puce à l'oreille. C'est ça. Donc après, il fallait localiser l'animal. Et puis finalement, il y a eu donc plusieurs perquisitions effectuées par le commissariat. Il semblerait que les gens qui détenaient ce jeune animal ont senti une pression augmenter et ont lâché l'animal et donc se sont débarrassés de ce jeune tigre qui a été retrouvé par une personne. Voilà. Mais je crois que le bébé tigre a été retrouvé non pas à Saint-Denis, mais plus loin, à Noisy-le-Sec, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc là, pour l'instant, l'enquête est en cours. On est toujours à la recherche donc des personnes qui, à l'origine, avaient ce jeune tigre. Et surtout, on va rechercher d'où vient ce tigre. Eh oui, mais d'où... Alors, juste une chose. Comment a-t-il été retrouvé? Ben, il a été retrouvé par une dame au bord de la route, semble-t-il, et complètement par hasard, elle a trouvé ce jeune animal. Elle a vu un gros chat, elle s'est dit tiens je m'arrête. On va faire drôle quand même de voir un petit tigre, parce que bon, on a vu des images à la télé et c'est plus un tout bébé, non? Ben, il fait une dizaine de kilos, donc ça reste un très gros chat certes, mais ça reste un animal extrêmement mignon, très attachant. Et encore inoffensif à cet âge-là. Complètement inoffensif. S'il vient vous voir, c'est pour vous lécher, c'est pas pour voilà. D'ailleurs, la dame ne voulait plus s'en séparer. Ben, c'est un petit peu ça, oui. Je pense que la dame a un petit peu craqué pour ce jeune tigre. Et puis la dame qui l'a recueilli a contacté l'association Protection de la Nature. Donc elle avait vraiment la volonté de trouver une solution pour cet animal. Et puis je crois qu'elle s'est un petit peu attachée à cet animal-là. Mais finalement, on a pu rentrer en contact avec elle et puis récupérer l'animal pour le mettre dans un établissement adapté. Il est dans une association dans le zoo de Saint-Martin. La Plaine, voilà, je cherchais le nom. Il est en bonne santé? Oui, donc dans les premières constatations faites par un vétérinaire, l'animal est en bonne santé. Ce qui est certain, c'est qu'il est complètement imprégné, donc depuis sa naissance quasiment, il doit être en contact avec l'homme. Oui. Donc la grosse difficulté, ça va être de le faire accepter après par le tigre, parce qu'il va falloir, pour l'instant il parle le langage humain, il va falloir qu'il apprenne le langage tigre et qu'il puisse à nouveau retrouver donc des congénères. Ouais, parce que Eric, pour l'instant, il est tout mignon, mais il va devenir adulte, ce tigre-là, et sera beaucoup moins sympathique forcément tout le temps avec les humains. Non, mais c'est là où c'est quand même très embêtant, c'est qu'on ce genre d'animaux, effectivement, quand c'est petit, c'est mignon, c'est adorable, mais quand ça devient adulte, il faut pas oublier qu'un tigre, ça fait plus de 200 kilos, c'est c'est un grand prédateur, et donc c'est extrêmement dangereux, c'est vraiment. Laetitia, même s'il est imprégné depuis tout petit et qu'il est en contact avec des humains, on est d'accord que quand il devient adulte, il peut avoir des réactions violentes. D'autant plus violentes qu'il n'a pas peur de l'homme. Hein, et c'est ça le problème, c'est que. Bah, Ce qui passe, c'est qu'il considère l'homme comme étant un congénère, et dans la nature, au moment notamment de la période des chaleurs, quand il va commencer à passer à l'âge adulte, il va vouloir se positionner hiérarchiquement, et là, il y aura déjà des premiers problèmes quand il sera adolescent, et après, quand il sera adulte, l'homme, un enfant notamment, rentre tout à fait dans sa gamme de proie. Mais oui. Vous vous rendez compte? Mais alors, là, je crois qu'ils vont essayer de le mettre avec d'autres, une femelle, hein, c'est ça, au zoo? Oui, c'est ça. C'est le responsable du zoo l'a mis pour l'instant à proximité, dans une cage à proximité. Si ils s'entendent bien, si les interactions au travers des grilles semblent positives, le jeune mâle, parce qu'on pensait que c'était une femelle au départ, il semblerait que ce soit un mâle. C'est vrai que chez les jeunes félins, la reconnaissance du sexe n'est pas toujours très simple. Et là, il semblerait que ce soit un jeune mâle. Et donc, s'il s'entend bien avec la femelle, il va aller rejoindre la femelle dans la cage à côté pour commencer à parler le langage tigre. Simplement, est-ce qu'il est en bonne santé? Il est en bonne santé. Il a été biberonné. Il n'a pas été maltraité ou mal nourri, etc. Maltraité, on ne sait pas. En tout cas, il est en bonne santé. D'accord. Et que risque la personne qui a détenu ce tigre illégalement? Bien sûr, c'est illégal d'avoir un tigre comme ça à la maison. Alors les pénalités sont fortes, c'est 6 mois d'emprisonnement, c'est des milliers d'euros d'amende, de l'inconscience pure, c'est vraiment ce qu'il faut dire. Depuis 3 ans, dans la région Île-de-France dont j'ai la charge, c'est le 7e grand félin que nous découvrons chez les particuliers. C'est incroyable. Mais ils viennent d'où ces félins? On ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les parcs zoologiques sont des établissements très contrôlés, des établissements sérieux. Donc, on ne peut pas dire que ça provient d'un parc zoologique. Par contre, au niveau de certaines personnes qui présentent des animaux de manière ambulante, notamment, qui viennent de pays étrangers, d'Europe, par exemple. Pour ne pas citer les cirques. Ça peut tout à fait provenir de ce genre d'établissement. Bon, très bien. Merci beaucoup, Eric, pour toutes ces précisions et souhaitons bon vent à ce petit tigre, qui va retrouver peut-être une vie à peu près normale. On espère. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée. Voilà, Eric Hansen, donc, de l'ONCFS. Laetitia, on va se dire au revoir et on se quitte avec, donc, notre vidéo de cette semaine. On l'a dit, c'est cette superbe vidéo de sensibilisation pour éviter les abandons des chiens. Voilà, réalisée par 30 millions d'amis. Voilà, c'est une belle histoire, vous allez voir, avec un malinois. Exactement. Une histoire d'accident, de malinois, d'abandon. Et très bien faite, surtout. Vraiment, on écrase la petite larme. Hein, quand on regarde, elle est vraiment superbe. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain, on sera là. Oui, bon dimanche à tous, bonne semaine. Et je vous embrasse et vous dis bien sûr à dimanche prochain. Jean-Luc Moreau, dans un instant pour l'automobile. Après la météo et les infos, à tout de suite sur RMC. Retrouvez vos animaux en podcast sur rmc.fr. L'UEFA Euro 2016, c'est sur RMC que ça se passe. Aujourd'hui à 21h, Roumanie-Albanie et Suisse-France. RMC numéro 1 sur l'UEFA Euro 2016. Toute la passion du foot avec oscaro.com, numéro 1 des pièces auto-neuves et d'origine sur Internet. Sir Edwards. Sir of Scotland. La légende raconte que Sir Edwards aurait été un Écossais riche et complexe et qu'il aurait été issu d'un assemblage minutieux des meilleurs grains. Ou bien est-ce le whisky Sir Edwards? Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En direct avec Stéphane Bern pour commenter l'arrivée du couple princier. Oui Marie, ils viennent juste de prendre place devant une véranda Akena. Pardon ? Oui, pas de doute, la qualité de la pose, le sur-mesure, c'est bien une véranda Akena. Mais revenons au couple. Isolation et sécurité, vous voulez dire ? Avec Akena, l'un ne va pas sans l'autre. Mais chut, c'est le moment de la photo officielle. C'est l'anniversaire Akena. Rendez-vous sur akenaveranda.com et gagnez la 150 000e véranda. Akena, la reine des vérandas. Et si on parlait véhicules d'occasion? Désolée, j'ai dû chercher une place pour garer ma Clio d'occasion, garantie 3 ans et 3 ans d'entretien inclus. T'inquiète. J'ai eu l'impression que ça prenait 3 heures. À propos, je t'ai dit que j'avais 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie avec ma Clio d'occasion. Ouais, tu m'as dit, ouais. Avec l'offre 3 ans d'entretien plus 3 ans de garantie Renault Occasion, vous allez être fiers de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1.